Indestar. Vous êtes sur Indestar, il est 21h09, on est à la bourre parce qu'on a eu des problèmes techniques, on vous fait des bisous, à tout de suite. J'ai vu de la lumière, 21h23h sur Indestar. Place à l'impro. Tout à fait, place à l'impro, bonjour à tous. Est-ce que ça va dans le studio? Que oui, ça va bien, ça va bien. Nickel, on est très content de vous retrouver, on a eu quelques petits problèmes techniques, même gros problèmes techniques. Donc je dis un gros merci à Jolan, Joachim et à Théo qui passera tout à l'heure. Donc, bienvenue dans J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré, l'émission d'improvisation scénarisée, voilà, d'impro scénarisée. Donc, une petite parenthèse avant de commencer, ça fait 5 mois que l'émission existe, donc ça fait 5 mois que j'écris des sketchs et que j'invite des gens pour les faire, pour les jouer quelque part. Donc ça fait très plaisir de faire cette émission, qui a un petit anniversaire en soi. Il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, je m'en excuse parce que je ne pouvais pas. Donc voilà, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fares. Oui, c'est moi Fares. Tu vas bien? Oui, et toi? Alors, qu'est-ce que... Oui, moi, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fares? Je suis étudiant en pharmacie. Ouais, super. Et je sais que tu bosses à Amboise aussi. Oui, du coup, je suis préparateur en pharmacie, toujours. À Amboise. Tout à fait. Donc, parle voilà. Bien dans le micro. Il faut que je parle dans le micro. Je regarde le micro. Donc, je sais, Fares, que tu as fait du théâtre d'improvisation avec le fruit, je crois. Oui, je l'ai fait avec toi, t'étais président. Bah, oui. Et puis moi, j'étais président. Oh, c'est vrai que tu as été président du fruit. Juste avant. Et tu fais de la pâtisserie aussi. Oui, j'adore faire ça. C'est une petite passion. J'aime bien ça. J'aime bien renseigner les auditeurs sur mes invités. Non, je trouve ça toujours très enrichissant. Ah bah. Voilà. Tu es content de faire cette émission, ta première d'ailleurs. Oui, ça va être ma première. Ça a l'air trop cool. Oh. Bah, la première fois que j'étais à la radio, c'était avec toi. C'est c'était vrai. Pour le fruit. Oui, du coup, tout à voilà, fait. Voilà. Merci beaucoup Fares. Salut Antoine. Et bonsoir. Tu vas bien? Mais très bien, et toi? Oui, enfin, tu as déjà répondu tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai. Si tout le monde me demande si je vais bien, bah, ça va saouler. Non, on va gagner du temps. Il va bien. Je vais bien, tout à fait. Rassurez-vous les écouteurs, il va bien. Toi Antoine, tu es orthophoniste, absolument. C'est ça? Absolument. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les troubles du langage en général. Hein, c'est de ça la communication, et de plein d'autres choses. Enfin, voilà. On a une très bonne page Wikipédia. Ouais. C'est bien ça. Allez voir sur Wikipédia. Je sais que tu as fait de la chorale également. J'ai fait de la chorale, j'ai dirigé de la chorale et j'ai fait aussi du théâtre du coup et j'en fais toujours. Toujours avec le fruit d'ailleurs. Voilà. Toi tu es un contemporain du fruit et Fares est un ancien du fruit. Et je ne suis pas président, mais non. Je parle bien dans le micro. La différence. On sent déjà les faillots, ceux qui veulent se placer. Enfin. Je te retiens Antoine. Ouais. Super, merci. Salut Florent. Salut. Tu vas bien? Ça va bien, ouais. Cool, tu m'as pas demandé si j'allais bien. Tu vois, tu as retenu. Ouais. On l'attendait tous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Florent? Et moi, je suis instit. Instit, d'accord. Ouais. Quelle classe? Et CM2. CM2. Avec les grands. Là. Je prépare au collège. Formidable. La vie, la jungle. Souvenez-vous. C'est à peu près le même niveau de maturité, là. Donc, C'est ça. Quoi, entre ici et une classe de CM2? Je pense. Bah, voilà. Tu nous diras, Florent. Au vu de ce qu'on a fait pendant les incidents techniques, c'était même moins que CM2. C'est vrai qu'on n'était pas sur CM2. Mais bon. Moi, c'est ça vrai, mais en même temps, ça permettait de meubler et de toujours rester de bonne humeur. Donc voilà, aucun stress à déplorer parmi mes candidats, je ne crois pas. Non, pas du tout. Super, Florent, tu as fait du théâtre aussi, je crois. Ouais, un peu d'impro à Amboise avec la MJC et puis avec les copains dans les bars. Super, super. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Bonjour Martine. Bonjour Clément. Alors, bonjour toi, messieurs. Bonjour madame. Alors, est-ce que tu vas bien? Vous allez bien? Oui, oui. Tout le monde va bien. Ah, je m'inquiétais pour toi. Je me suis dit, est-ce qu'elle va bien? Moi aussi, je m'inquiète. Oh, bah voilà. Eh ben, oh, voilà. Alors, non, mais, tout est dit. Riez tant que vous voulez, mais Martine est la seule qui ait dit bonjour aux autres. Hein. C'est pas fou, la seule. Et là, j'ai 10 points déjà d'avance. Tout à fait. Je note les points des bons élèves. Voilà. Martine, Martine, la bonne élève. Parce que l'autre jour, c'était Martine à la radio. Martine, la bonne élève. On ajoute. Ah, bah, toujours la bonne élève. Fayotte. Oui, donc, Fayotte. Martine, la bonne élève. Je sais pas le je dire. Je dis rien, mais. Ça. Martine, donc, du coup, tu fais du théâtre depuis à peu près 15 ans. Voilà. Ah, oui, c'est depuis ça 15 ans. Avec la compagnie oui, oui. qui s'appelle. Alors maintenant, je suis dans une compagnie qui s'appelle Cour et Jardin Compagnie, mais avant, j'en ai fait avec la MJC, avec Monsieur Florent, le cours Florent. Oh, c'est bon, c'est bien, ça balance. Voilà, et puis voilà, puis maintenant, bah, voilà, j'ai rejoint une compagnie, et voilà, voilà. Super, super. Alors du coup, Martine, Florent et Fares, c'est votre première mission. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai peur. J'ai la trouille. Comme d'habitude. J'ai la trouille. Ah, c'est très, très. Ah non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Aujourd'hui, je vous ai concocté, comme à chaque fois d'ailleurs, 6 petits scénarios d'improvisation, des squelettes d'improvisation sur lesquels je vais vous demander d'interpréter des personnages et de créer une histoire en fait. Donc je vais être le guide de l'histoire. Les thèmes de ce soir, ça va être la radio associative, associative par exemple. Bon, c'est thème, ouais, ça va. Que j'ai pas été chercher très loin, vous me direz. Tu es dedans. On va avoir une improvisation qui va nous transporter dans l'espace. Space, the final radio. Tout personne ne nous entendra crier. Une improvisation assez alien. Ça, c'est un film d'horreur, ouais. Ça, c'est pas pareil. Bah, c'est les deux. Une impro sur le thème de Amour, Gloire et René, qui est la sitcom. Ah, c'est pour toi, Farrell. La sitcom officielle. Ah, je t'aime aussi. Ah, c'est l'amour. Voilà, une impro où on va jouer très mal et ça va être très drôle. Très est-ce que tu l'as fait parce que c'est le Saint machin, là, le Saint-Valentin? Non, pas du tout. Ça va être Bah, c'est vrai, elle est récurrente, celle-là. Ah, pas ma tête. Saint-Valentin, oui, non, non. Mais c'est un tous les ans à peu près. Ouais, non, et si tu la rates une année, tu l'as l'année d'après. C'est pas mal. C'est ça. On a une improvisation qui va parler de théâtre. Ah, bah t'es. Oh. Théâtre, donc la création d'une pièce. Oh. Mise en abîme. Un petit peu, ouais, tout à fait. Et il va y avoir une improvisation qui va parler de politique et une autre qui va parler de publicité. Voilà ce que j'ai prévu pour ce soir. Les deux PM. Merci Clément. Attends que ça soit fini avant de me remercier. Déjà, c'est déjà bon. Bah, c'était une très bonne soirée, merci. Déjà, merci de nous recevoir. Clément. Bah, y a pas de soucis, c'est un plaisir. Bonnet, lève-toi. Toujours du poing. Allez, hop là, ça file du poing, ça file du poing. C'est sympa parce que d'abord, on n'avait jamais été invité à une émission avec Florent. Ouais, c'est vrai. Avant une des stars. Ah, d'accord. Oui, il y avait Parlons Passion la semaine dernière. Ouais, ouais. Ok, bah voilà, la présentation est finie. Donc on écoute Dita Believe et on se retrouve après pour la première improvisation. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h. Sur Indestar. J'ai vu de la lumière, alors je suis entré, c'est tout de suite et c'est maintenant, après le petit problème technique, on est reparti sur les rails. Est-ce que ça va toujours dans le studio? Oui! Avec. Oui, et ben formidable. On est parti tout de suite avec la première improvisation qui va s'appeler Radio Chin Chin. Radio Chin Chin, ouais. C'est Mimi. Parce que, alors j'ai fait un petit texte d'introduction. En radio associative, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais des fois, avec un peu d'imagination, on peut en faire beaucoup plus. En gros, on va faire une radio donc, qui s'appelle Radio Chin Chin, qui va avoir une émission de santé. Mais comme c'est une radio associative... et qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, il va y avoir donc un personnage d'animateur de radio et un expert en médecine. Mais l'expert en médecine, techniquement, il a vu tous les épisodes de Dr. House et de Urgence et il a participé à deux cours de médecine. D'accord, sans trop de formation, c'est très bien. Tout à fait. Donc, en fait, les gens vont appeler et parler de leurs problèmes personnels à la radio. c'est un peu comme merde. Comment il s'appelle le Frazier Michel Simes, oui, tout Simes. À fait. Ah bah. Ou Doc Eddie Fool. Oh bah c'est vieux. Ouais, c'est plus connu. C'est plus connu. Ou Dr. Benton. Là, on touche au Graal. Le but ce soir pour les auditeurs est de deviner l'âge des participants. C'est ça. Alors, moi, je suis la seule femme. On ne me demande pas mon âge. Tout à fait. Ouais, parce qu'elle a en fait exact. Alors, toute personne qui demandera son âge à Martine aura son micro supprimé pendant 10 minutes. Et nous ne répondons à aucun appel téléphonique. Donc, je vais avoir besoin d'un animateur radio. Qui veut faire l'animateur radio? Moi, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais être l'animateur radio. Ok, donc c'est ton émission. Faut que tu donnes le rythme, le ton de l'émission. Voilà, tout ça. D'accord, ok. Bah... Qui veut faire l'expert médical? Allez. Martine, tu veux le faire? Martine, vas-y. Moi, je veux bien faire tout avec. Oh, c'est mine. Ah, oh, ça me fait plaisir. Oh, ok. Est-ce qu'on sent l'amour ce soir? Eh bah oui. Ça dégage l'amour. Donc. Donc Martine, ton rôle, donc ça va être bien sûr de répondre aux problèmes des gens, de leur dire essayez l'homéopathie, essayez le doliprane, n'importe quoi. Voilà, tu es libre, tout à fait. D'accord. Et tu as très peu de connaissances médicales, donc tu peux y aller, tu peux te faire un petit personnage un petit peu. Là, c'est plus de l'impro. Là. Tu peux te baser sur l'improvisation scénarisée. Je vais m'occuper de votre cas. Et donc Antoine et Florent, je vais vous demander de faire des auditeurs qui vont appeler. Pour demander des conseils sur des maladies possibles qu'ils ont, voilà. Pas de soucis. On peut être gênant alors, il n'est pas encore 22h, donc pas trop. Ah, d'accord. Tu peux être un petit peu gênant, mais voilà. Tu viens d'effacer 70% de mon quota d'idées. Non, si en vrai tu peux. Faut pas que ça devienne une émission qui parle d'autre chose, mais ouais, voilà. je pensais pas à ça. Non, pas du tout. Moi aussi. Non, on a le droit de parler du tigre du Bengale, monsieur. Ah, tout à fait. Absolument. J'ai un tigre du Bengale dans mon estomac, je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui est pénis, tout ça, vous pouvez, parce que c'est des mots d'un registre courant, bien sûr. Tennis aussi. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Donc, on va se retrouver dans Radio Chin Chin. Pourquoi Radio Chin Chin ? Parce que c'est Chin Chin Santé, Radio Santé. D'accord. Ah. C'est une petite blague que je mets 2 mois à écrire à chaque fois et ça ne fait rire personne. Je viens de comprendre. Moi j'ai compris juste après. Ah, yeah. Et ben mais ça y est. Fou, est sur la même putain, c'est trop bien. Moi j'ai toujours pas compris. C'est pas grave, je t'expliquerai à la pause. D'accord. C'est vrai. Chin Chin. Tout se passera à la pause. Santé. On est parti pour Radio Santé. On peut faire Japon Japon, mais Chin Chin ça marche mieux. Est-ce que tout le monde est prêt pour Radio Chin Chin ? J'ai compris. Eh bien c'est parti, tout de suite sur Indestar. Et bonsoir les écouteurs. Les écouteurs, nous sommes sur Radio Chin Chin ce soir exclusivement avec Docteur Martin. Ah, je croyais que c'était Docteur Fares, moi. Moi j'étais juste pour l'assister, le Docteur Fares. En fait, c'est toi le médecin, c'est moi le lanceur, de ce que je viens de comprendre. Ah, donc c'est maintenant je suis passé médecin, alors attention. Ouais, bah ouais. Ramène ton stéthoscope, garde-le au chaud ce soir, parce que ce soir, c'est, oui, toutes les questions de amour avec un grand A. Mais non, c'est question chin-chin ouais. Santé. Tout à fait, c'est des questions de santé, Fares. Ah, d'accord. Bon, tu te souviens ce que j'ai dit tout à l'heure, tu te souviens Fares, oui, écoute oui, rien. Oui, c'est reparti. Bon voilà, donc ce soir on aura des questions de vous le public, le cher public, qui vont demander de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, d'aider toute plainte est possible. Vous pouvez appeler dès maintenant au 0602 à notre émission avec Docteur Martin, exclusivement sur Indestar. Et bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Radio Chin Chin Santé. Je vous appelle parce que j'ai un petit problème. Oui, raconte-moi, t'as de tout petits problèmes. Alors, je m'appelle Jacques. Oui, bonsoir Jacques, tu vas bien? Bof. J'ai une femme et puis j'ai 2 enfants. Il y en a une qui est mignonne et puis l'autre. La femme ou tu parles des enfants là? Non, les enfants là. Non, la femme elle est cool aussi, mais les enfants en fait. Problème, c'est qu'il y en a un qui essaye de tuer l'autre. Mon Dieu. Est-ce que c'est des jumeaux? Est-ce que tu peux me dire la différence d'âge, s'il te plaît? C'est très important alors, pour la suite. Le premier, celui qui, enfin la première, celle qui est mignonne, du coup, elle a 8 ans. Ouais. Et l'autre, celui qui essaie de la tuer, eh ben, il a 1 an et demi. Ouais. Il essaie de façon active à la tuer. Ah mais très active. T'en es sûr? Parce qu'à 1 an, normalement, il marche à peine. Ah mais la nuit, il se relève, il escalade les barreaux de son lit, il descend, il rampe sur le sol jusqu'à la cuisine pour récupérer un couteau et il va dans la chambre de sa sœur et bon, on l'entend avec parce que le couteau, ça fait du bruit par terre, mais on se dit quand il va marcher... Il fera plus de bruit quand il marchera, il marchera sur la pointe des pieds. Elle fera plus de bruit si jamais Alors, du coup, voilà, j'aimerais savoir comment on peut faire pour que notre enfant arrête d'essayer de vouloir... Des enfants difficiles, docteur Martin. Non, mais ceux-là, ils n'ont pas l'air gentils. Enfin, la petite, elle a l'air gentille, mais le garçon, là, qui n'a pas 1 an, qui marche, qui ne fait pas de bruit, enfin, si je reprends tous les termes... C'est quand même un surdoué à pouvoir faire tout ça à son âge. Il faut dire les choses comme ils sont. Surdoué tueur killer. Moi j'aurais peur, hein. Moi je vais pas aller dormir chez eux, je veux pas accepter d'invitation. Ah non. On va peut-être passer un autre auditeur, je pense. Bah, quel conseil apporterais-tu à cet homme Mêlée en colo, dépêche-toi. En colo, très vite, c'est bientôt les vacances. Ouais, bonne idée, on va être peinard. Ouais. Bon, voilà la première solution de ce soir. Merci, docteur Martin. Ah, de rien. Ah, nous avons un deuxième appel. Oui, bonsoir, docteur Martin. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors moi, j'ai un petit souci. Parce qu'en fait, je suis un petit peu joueur addict. Et j'ai eu 2-3 soucis avec les réseaux. Les réseaux de jeux. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, mon problème est plutôt corporel. Oui. Physique. Et très physique. C'est-à-dire que parfois... Est-ce que c'est une petite problème? Toi, oui. Il a dit c'est un petit problème. Mais des fois, ça peut devenir un grand problème. Au début, il est petit et au fur et à mesure des jeux, il devient grand. Ah. Et alors là, j'ai... J'ai beaucoup de mal. Ouais, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que ça devient rouge. Lâche-toi. Je sais pas comment pas trop le dire en fait. Alors, ça commence on est là pour souvent. T'écouter, pour ça, t'écouter. Ça commence souvent sur mon canapé en fait. Et là, je prends ma tablette et je lance l'appli. Et en fait, est-ce qu'on peut savoir le nom de l'appli, s'il vous plaît, juste par curiosité simple. Ouais. Elle s'appelle Ouais, très bien. Ouais. Ouais et toi, elle s'appelle. Ouais et toi. Et ouais, donc et en fait, il y a plein de jeux dessus et à force de faire des allers-retours avec mes doigts chauffent. Et là, j'ai développé. T'as des ampoules. Ouais. Mais c'est surtout au niveau de la deuxième phalange et je sais pas comment m'en sortir. Alors, la meilleure solution pour les ampoules, c'est de les mettre sous l'eau pendant 10 minutes. Et tu fais couler le robinet. Mais pas l'eau chaude. Pas l'eau chaude, ouais, l'eau froide. Si j'utilise eau chaude ou eau froide, ça va niquer la tablette. Moi, je veux bien, les conseils, mais pas niquer la tablette parce que je peux plus jouer. S'il vous plaît, ceux qui filtrent les auditeurs, là, qui viennent nous parler, vous pouvez pas filtrer un peu mieux parce que franchement. Bon, écoutez, je vais avoir un petit mot avec eux. Oui. Bah, là, tu conseillerais quoi pour monsieur qui a des ampoules sur son phalange? Qu'il arrête de jouer. Désolé. Ça, c'est une solution pas facile, en fait. Parce que tu proposes des trucs, c'est pas possible. Mais si. Prête ta tablette une semaine à ta sœur. Hein? Comment t'as deviné qu'il a eu une sœur? Je sais pas, mais je suppose qu'il a une sœur. On a tous une sœur quelque part. Quelque part, une sœur cachée. Voilà, jumelle, pas jumelle. Enfin, tu fais comme tu veux, tu prêtes à ta sœur. Ouais, non, parce qu'elle, elle veut jouer dans la cave. Tu vois, il a une sœur. Tu vois qu'il a une sœur. Pas parce qu'il y a pas de chercheur. Docteur Martin, tu as vraiment des connaissances. J'ai un secret réseau, comme il dit. Docteur Martin, je suis désolé, c'est Gérard qui était censé filtrer les appels, mais il est en RTT cette semaine. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des appels un petit peu bizarres qui arrivent. Ah oui. Bon. Je vous rebranche avec un autre appel tout de suite. Tout à fait. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai une petite difficulté, comment vous dire. Mais j'ai 30 ans passés et depuis mes 28 ans, j'ai une soudaine poussée de croissance dans le genou et là, ça commence à sortir et on dirait que c'est des dents. On dirait que j'ai une mâchoire dans mon genou. Je comprends pas. Une deuxième mâchoire? Oui, en plus de celle que j'ai déjà sur ma bouche. Oui. Bah, j'imagine, parce que vous nous parlez. Bah oui, donc je sais pas. Il y a toutes les dents. Il y a les incisives, il y a les canines, les prémolaires. Oh, Docteur Martin, une deuxième mâchoire! Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah je sais pas, moi je m'en dis que je vais courir vite, hein, parce mais que... il peut pas courir très vite parce qu'il y a une mâchoire à la place du genou. Ah non, ça m'empêche pas de courir, c'est pas ça très... Ça t'empêche pas de courir, la mâchoire. C'est juste pas très esthétique quand je porte un short, puis ça fait peur aux gosses. Aux femmes aussi peut-être, je pense. Ah quoi que, elle peut kiffer. Et bon, sur la plage, ça se passe comment? Ah bah sur la plage, compliqué aussi, enfin j'attire un peu tous les regards, mais du coup je vais dans l'eau et puis on me voit plus. Et dans l'eau, tu bois la tasse? Non, c'est juste les dents. Bonne remarque. Il n'y a pas de trou, juste des dents qui poussent. Uniquement des dents qui poussent. Ah, dans ma tête, c'était plus une petite bouche. Juste des dents qui poussent à l'extérieur. Et tu vois des renards aussi. Des renards. Et des oui, renards. Parce que moi, je connais un gars, il a des dents qui poussent et il voit des renards. Et il s'appelle... comment il s'appelle? C'est un monsieur qui voit des choses. Oui. Très bien. Il a fait beaucoup de cinéma, donc je me dis, bon, comme tout le cinéma qu'il nous fait, lui... Du coup, il faut que je fasse du cinéma pour regarder. Exactement. Hollywood, c'est la destination pour toi. Et c'était hier les Oscars. Tu les as ratés, mais l'année prochaine... Tu les as ratés, mais ça se trouve, tu les as gagnés. Oh, il faut vérifier les résultats. Ok, je vais mater le replay. Merci, Docteur Martin. De rien, bonne soirée. Et ben voilà. Et ensuite... trop d'appels. Tu l'appelles. Bah vas-y, bonsoir, écouteur. Oui, bonsoir, Docteur Martin. Je suis monsieur Quetembrouille. Je suis directeur de centre de loisirs. Et je vous appelle... Enfin, c'est normal. J'ai un tout petit souci. Hélène. Oui, il a petit souci. Toujours des petits soucis depuis le début. Hein. Oui, allez-y. Tout à fait, puisque mon petit souci... est dû à mon nouveau projet d'ouvrir un nouveau centre pour tout petit. Et j'ai eu une inscription ce soir. Et là, vous allez peut-être m'aider. J'ai un enfant d'1 an et demi qui voudrait tuer sa sœur. Ah, mais ça me rappelle quelqu'un. C'est le rappel vaguement de quelque chose. On a vu ça dans le journal. Ou ah, alors c'est journal. Peut-être... Non, le premier auditeur. Le premier écouteur qui nous a appelés. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc, j'appelle justement... J'écoutais la radio Chin Chin Santé. Ah, c'est notre émission. C'est notre émission. Tout à fait. Et juste après votre coup de fil et votre super conseil, la personne m'a appelé. Et je suis fortement, fortement contrarié puisque je ne sais pas quoi lui proposer à part « Bienvenue au centre ». Et que bah, me c'est conseillez-vous déjà beaucoup. C'est, déjà, c'est déjà beaucoup. Bienvenue au centre. Mais c'est la première fois que vous ouvrez un centre et c'est votre premier jour de centre. Et ben, bah, je vous dis bravo. Oui. Bravo d'avoir une idée. Mais de quelle cette solution aventure. Tu peux proposer à cet enfant-là qui va potentiellement tuer non pas seulement sa sœur mais aussi d'autres personnes dans ce centre-là. Ben bah, peut-être pas. Peut-être que ça va le calmer. Changement de décor, changement d'ambiance, changement d'enfant. L'activité sociale va peut-être détendre le sous-jacent démon qui est en lui. Mmh. En effet, très Moi bien. Bah, c'est une très bonne conseil. Ouais. Et bravo de votre initiative. C'est très, très merci, bien. Merci. On ne peut que vous encourager avec le docteur Fares. Merci, merci bien à vous. Bah voilà, au revoir. Au revoir et merci. Mais bonne soirée. Merci à vous pour cette improvisation. Cette colo, je ne sais pas où elle est, mais je veux pas y envoyer mes gosses, hein, personnellement. Merci beaucoup pour l'impro. Donc, on écoute Ocean Avenue avec un remix de Oui ou Non. À tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. C'est reparti, j'ai vu de la lumière. Alors, je suis entré votre émission hebdomadaire d'improvisation scénarisée. Est-ce que ça va toujours dans le studio? Wow! Oui, formidable, mes oreilles ne vont plus bien, elles, mais bon. On parlera moins fort. Non, t'inquiète pas, c'est très bien. Donc, je vous emmène dans une improvisation qui va se passer dans l'espace, dans le futur plus exactement. Space! Cette improvisation va se passer en 1115. Dans le futur? À peu près dans un siècle, ouais. 1115. Oh, ouais. 2115. En 2115, oui. C'est... passé, mais le futur en même temps. Mais Clément n'est pas de notre temps. Clément nous arrive tout droit des années 50. Mais 0050. Des années 50. Des années, incroyable. C'est, entre deux croisades. De je ne parle pas Clément. Lance toute session de radio. Très longtemps que je demande Clément, sors ton glaive. Donc en 2115. En 2115, la Terre est déserte. Les humains vivent désormais dans l'espace. De nouvelles races aliens ont été découvertes, bien sûr. Les humains survivent grâce à la planète Mars, qui a été transformée en vaste champ de betteraves. Pourquoi de betteraves? Parce que c'est de la science-fiction, alors il n'y a que ça qui pousse. C'est bon. Dans ton univers imaginaire, il n'y a que ça qui pousse. Et puis c'est beau. Et c'est et beau puis aussi. C'est rouge. C'est rouge aussi. C'est bon pour quelqu'un la santé. Dire, oui, autre chose sur les betteraves? Oui, moi. Et puis ça ressemble à l'Eure-et-Loire. Ok. Et puis on en voit beaucoup dans le Nord. Par contre, c'est bizarre parce que c'est, normalement ça pousse pas toute l'année les betteraves. Et bah là, si, parce que c'est de la science-fiction. Voilà, et qu'on dit ce qu'on veut et qu'on fait. Je t'expliquerai plus dans les détails à la pause, Antoine. Ah bah d'accord. Est-ce que vous savez que les betteraves, on peut en faire un cocktail qui change de couleur? Alors, c'est pas le but de l'émission. Mais comment tu fais ça, raconte-nous. Donc du coup, deux amis d'enfance rêvent de grandeur et ont réussi à se faire embaucher sur le Pédalo Azur, qui est un immense croiseur de la flotte terrestre, mais seulement comme agent d'entretien. Y a pas une reprise d'Adoprix Toxis? Si, tout à fait. Adoprix Toxis, qui est une saga MP3, qui est très chouette, qui se passe dans l'espace. Donc ça va être l'histoire de deux jeunes personnes, deux amis d'enfance, qui sont donc dans le Pédalo Azur, qui est un immense vaisseau, qui rêvaient d'être capitaine, commandant, mais qui sont agents d'entretien, voilà, tout simplement. Tristesse. Et après, il va se passer des choses dans l'improvisation, bien sûr. Qui veut faire les deux amis d'enfance? Bah, vas-y. Ouais, allez, monsieur Florent. Florent et Antoine. Allons-y, Florent. Ah, d'accord, Antoine. Nous ne nous connaissons pas, mais nous sommes amis d'enfance. Mais oui, tout à fait. Alors, nous Martine et Fares, je vais vous demander de faire des rôles secondaires dans l'improvisation. Très bien. Vous inquiétez pas, je vous dirai avant. Ah, ok. Donc, la première scène commence, vous êtes en train de nettoyer le pont du vaisseau. Et il va y avoir un capitaine à vous, qui va être joué par Fares, qui va juste vous donner des instructions et partir et vous laisser parler un petit peu installé ici. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça va. Eh bien, c'est parti. Comment je l'ai appelé ? Renault Espace, ouais, c'est ça. C'est le titre de l'improvisation, Renault Espace. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est parti. Siffler en travaillant. Eh ben, vous deux, vous allez nettoyer ça, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Allez-y, nettoyez tout ça. Allez, c'est allez. Pas moi qui attire pire, c'est Jean-Paul. Oh, je m'en fous, je reviens dans une heure, il faut que ça soit nickel. Ok. Ouais. Et passe-moi le savon, Jean-Paul. C'est lequel le savon déjà ? Bah, le bleu, le bleu qui lave. Le bleu, attends. Il est loin, je vais le chercher. Alors je me permets d'intervenir. Oh bah merde. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous étiez des amis d'enfance. Ah oui. J'ai dit à aucun moment que vous étiez vieux, mais c'est très bien. C'est les radiations. Vous tenez très bien les personnages, donc je vous propose de continuer avec ça. Voilà. Ah bah ça valait le coup de nous interrompre. Bon, en attendant, j'ai récupéré le savon. Tiens, le voilà. Et souviens-toi, quand on était avant, personne nous interrompait comme ça. Bien sûr, c'est jeune ça. Tous des cons. Vache, la vache, mon Jean-Paul. Qu'est-ce que c'est, crade ce pont? Allez, le savon bleu, j'y vais. Quand, tout à coup, juste à côté de là où... Jean-Paul et... Auguste. Jean-Paul et Auguste. Auguste, bien sûr. Juste à côté de l'endroit où sont en train de récurer le sol nos deux héros, il va y avoir une réunion de crise qui va se passer entre, du coup... Monsieur Fares, qui va être l'amiral du vaisseau. Combattez, rien que pour lui. Et Martine, qui... Et Martine, qui va être la chef d'une autre race extraterrestre, qui va demander un impôt à la Terre qui va être très élevé. La discussion va être argumentée et à la fin, Fares, je vais te demander d'accepter de payer l'impôt très cher. Du coup, nous, on nettoie. Vous êtes juste à côté et vous allez entendre, bien sûr, la conversation. Ah ouais, d'accord. Et on continue le savon ou pas, Jeff ? Vous continuez le savon, oui, tout à fait. Mais je frotte, alors ! Ifflé en travaillant ! C'est reparti. Monsieur le commandant du bateau. Je suis l'admiral Glove. Amiral commandant Glove ou pas ? Je vous demanderai de mieux surveiller votre petit personnel. Parce que nous, les extraterrestres de l'île de beauté, on voudrait un pont nickel. Non mais regardez ce qu'ils font. Regardez, c'est du grand n'importe quoi. Ils nettoient. Ils font leur travail, mademoiselle, ils font leur travail. Non, mais attendez, moi je vous dis tout de suite, on n'est pas des terriens, nous. On est des gens propres. Certes, c'est pas vos coutumes, mais ici, nous sommes dans l'espace et donc les coutumes, il faut que ça se mette long. Crache le dégoûtant. Nettoie mieux, nettoie mieux, mine de rien. Non. On vous demande d'être... Alors, je vous demanderai aux deux amis de cesser de polluer le continuum sonore et à Martine de mettre en place donc l'impôt, de trouver une raison pour mettre un impôt, les betteraves, voilà. Alors... Comme nous ne sommes pas des terriens, nous avons notre propre monnaie. Notre monnaie, c'est la betterave. La betterave, vous savez que c'est noble. Bien sûr, c'est le fruit le plus noble ou légume le plus noble de la planète Terre. Planète Mars, il y en a beaucoup parce qu'on a beaucoup de monnaie. Beaucoup de monnaie étant beaucoup de betterave. Et on voudrait en avoir encore plus. Donc, on est venu. Plus que beaucoup de betteraves ? Plus que beaucoup de betteraves. On veut beaucoup de betteraves. On est venu vous ordonner de payer la rançon. Sinon, les deux, là. Ouais. Les deux agents, là. Ouais. On les emmène chez nous pour être des esclaves. Et pourquoi devrons-nous payer ces impôts-là ? Parce que c'est normal. Nous sommes une race supérieure à la vôtre. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Et nous avons le moyen de vous détruire si nous voulons. Bah, sous ces conditions-là, ne peux que accepter, malheureusement. Et sinon, on vous fait peur tout le temps. Bah là, j'ai un peu peur, mine de rien, parce que vous... Et vous pouvez détruire avoir peur. Tout ce que je possède. Bon, très bien, je n'ai pas le choix, je dois accepter. J'accepte alors. Bon, signons cet pacte. Après cette conversation, le commandant va bien sûr aller pourchasser nos deux héros. Deux héros qui ont tout entendu et qui sont en ce moment même en train de courir dans le vaisseau à la recherche d'une cachette. Cours pour ton cul, Auguste ! Ils vont nous emmener aux extraterrestres ! Moumou. Jean-Paul, on va se faire dédinguer, bordel. Non, no way. On a passé toute notre putain de vie sur ce vaisseau. Eh, hey, je les ai vus partir par là. Ah, ils nous ont vu partir putain, par là. Putain, prends à gauche. À gauche. Ah, pourquoi tu prends à gauche comme moi? Mais parce que... Ils prennent à gauche et se retrouvent à l'intérieur d'une navette de sauvetage. Donc une navette qui a une autonomie assez grande pour aller à peu près où ils veulent. Ils montent dedans et partent dans l'espace. C'est la navette, la mouette. Je l'ai nettoyée la semaine dernière. Trop belle. Attends, il y a un mode d'emploi. Bonsoir, voilà. Je suis le vaisseau spatial. On n'a pas besoin du mode d'emploi. Oh, Jean-Paul ! Il y a quelqu'un qui nous parle ! Auguste, c'est la navette. Ah, merde. Oui, navette, on veut partir. Pour activer le fonction partir, appuyez sur le bouton rouge. Attends, le rouge. Il y a plein de boutons rouges. Ouais, mais ça, s'il est plus rouge que l'autre, tu vois. Pour trouver le bouton rouge, résoudez-moi ce problème. 2 plus 2 égale... Merde, merde. Voilà, c'est pour gagner la fuite. Oh, je vais appuyer au pif. Pouh. Vous avez appuyé sur le bouton toilette. Eh. Voulez-vous activer le programme toilette? Alors non. Les deux amis vont donc décider d'aller sur la planète des extraterrestres pour essayer de faire changer d'avis leur chef. Ouais, bonne idée. Un petit peu le scénario. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas mal. Bon. Ok, on va faire ça, ouais. Merci, navette. C'est reparti. Alors, on arrive. Oh, elle est pas belle, leur planète. Et pourquoi qu'elle est patatoïde? Je sais pas. Oh, regarde, on atterrit. Elle est habitée par des patates. Est-ce qu'on peut inspirer dehors? On va dire que oui. Ah bah oui. Où ça pue? Ouais, je suis pas mort. Ah, moi non plus. Allez, alors, ils sont les extraterrestres. Allez, moi j'en vois un. On est là. Ah, il y en a deux en ça fait. Ça y est, ils sont arrivés. Ils ont pas l'air finaux, mon Jean-Paul. Hein. Finaux toi-même. Ah, merde, ils me comprennent. À genoux, extraterrestres, devant la reine. Je suis pas là pour laver, moi. Oh, c'est bon, j'ai déjà fait là-bas. Puis c'est vous, les extraterrestres. Non. Vas-y. Nous, on est les vrais. Vous venez que de sales terriens. Ouais, mais on a un savon bleu. Jean-Paul. Non, mais des savons bleus, on en a plein. Ouais, mais celui-là, il a... Comme les betteraves. Bon, en tout cas, on est venu vous dire, on veut pas être échangé contre des betteraves, parce que on vaut rien. Ouais, et les betteraves s'attachent, et nous, on aime le propre. Ouais, oui, en plus. Mais vous allez être bien pour nos expériences. On a besoin de terriens pour nos expériences. Et qu'est-ce que vous voulez nous faire? Attendez, patience. Rien de très grave. Et confiance. Ah, bah ça va alors. Il faudrait peut-être des humains plus jeunes. On peut vous en avoir. Mais qu'est-ce que tu dis, Auguste? On est très ferme pour notre âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Vous ne vous inquiétez pas pour ça. Ainsi s'en est fait des deux amis. Ils vont servir de rats de laboratoire aux extraterrestres patatoïdes. On les retrouve dans la salle d'opération où les extraterrestres vont leur faire subir des traitements singuliers. C'est reparti. Mais touche pas là, enfin... Aïe! Oh la vache! Aïe, t'as piqué! Jean-Paul, ton dos! Non, aïe! Oh. Qui c'est qui doit avoir en charge le... Celui à droite, c'est moi! D'accord. Bah regardez, il a un genou articulé. Vous avez le bâton à chatou. Oui. C'est bien. Vous l'avez armé? Je viens tout juste de finir de l'armée, madame. Mais c'est quoi? Il faut vous en servir. Jean-Paul, ton dos. Je vais l'insérer bientôt, dans 3, 2, non. Insertion. Oh, je te l'avais dit, ton dos, la vache. Ils ont remboursé un gros truc. C'est très prometteur, les résultats, mademoiselle. On sent, il crie beaucoup. Jean-Paul, tu m'entends? Jean-Paul! Mais Jean-Paul avait menti à son ami depuis le début. Ce n'était pas un vrai humain. C'était en réalité un mi-homme, mi... Mille pattes. Un mi-homme mille pattes, oui. Donc un 500 pattes. Et avec la douleur, sa vraie nature de mille pattes ressort et il se transforme en gigantesque myrmipode. Oh la vache, Jean-Paul de merde, les pattes dans le dos. T'as tout plein de pattes, bordel. Enfin, moi-même. Bah ouais, mais moi je t'ai connu, t'étais plus joli. Oh, comme... quelle voix. Ah, quelle déception, je pensais avoir des vrais terriens. Je m'enfuis. Ah, quelle voix. Ah non, il m'a attaqué. Lequel qui t'a attaqué? Jean-Paul, il en reste un. Jean-Paul. Mais Jean-Paul n'était pas là. Il avait décidé avec ses nouveaux pouvoirs d'aller directement manger la reine des extraterrestres patatoïdes et de s'imposer en maître sur cette planète. C'est reparti. Au secours ! Au secours ! La tête rentre dans mes mots genoux ! De quoi ? Il a des grandes dents partout. C'est pas 1000 pattes, c'est 1000 dents. Je vais broyer tes os. Oh, je vais sucer ton sang et te réduire en poussière. Va sucer les betteraves. Et après cette exécution qu'on n'a pas envie de voir, c'est tout ce que quand même, Antoine. Antoine, c'est fini les bruitages, là. On va assister au discours de Jean-Marc le mille-pattes à la planète Patatoïde. Voilà, il annonce qu'il reprend les rênes de la planète et il va annoncer ses plans pour ses habitants. Patato, patata, je suis votre nouveau maître. Accueillez à mes côtés votre nouveau premier ministre. Jean-Paul ! Auguste le Terrien, mon ami de toujours. Salut les patates! Avec les pouvoirs encore latents d'Auguste, nous allons partir à la conquête de l'univers, à la conquête des betteraves, ces betteraves dont nous faisons notre plat quotidien, et nous allons vous mener à la victoire! Merci, waouh, quelle fin, quelle improvisation incroyable! Vous avez même dépassé le scénario que j'avais prévu à la base. Avec, cette histoire de vieux, là, je m'attendais pas à ça dès le début, c'était très très chouette. Les vieux, c'est toujours surprenant. Tico, faut s'en méfier. Ça y est, il recommence. C'est toi d'abord. Jean-Paul. J'ai perdu le savon. Bon, calmez-vous les Va vieux, le bouffer. Là. C'est la tisane, là, barre de balle dansant. Merci beaucoup pour cette improvisation. De rien. En attendant la suite, en avant dans la fuite, on écoute Ocean Avenue avec un remix de Oui ou Non. Voilà, j'ai annoncé la mauvaise chanson tout à l'heure. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière, 21h-23h sur Indestar. Place à l'impro. On revient dans J'ai vu de la lumière, alors je suis entré, est-ce que ça va toujours ? Oui ! Oui, tout à fait ! Oui, formidable ! Non, sans déconner. Attendez. Antoine ? Non, c'est bon, fais abstraction. Antoine ? Oui, c'est moi. Oh, merci. Elle est belle, ma voix. Hein. Ouais, elle est belle. Je préfère ta vraie voix. Il nous a fait le vieux pendant toute la pause, un moment incroyable. Ouais, franchement, t'as tenu 5 minutes. Oh, oui, il a tenu beaucoup trop longtemps. Mais il bouffe quand même beaucoup pour un vieux, quand même. C'est vrai. C'est pas faux. Ok, donc on est reparti avec une improvisation bien connue de l'émission, du coup, puisque c'est nul autre que Amour, Gloire et René. Yes. Alors, qu'est-ce que c'est Amour, Gloire et René ? Eh ben, c'est un soap-opéra. Voilà, la manière de Amour, Gloire et Beauté, où les gens jouent mal. Le protagoniste principal de cette histoire s'appelle René. C'était à la base un fabricant d'abeslangue pour les médecins. Mais face aux constructeurs qui ont commencé à faire des abeslangues en métal, eh ben, il s'y est retrouvé gros gens comme devant. Et oui, ça se dit. Je vous promets. Et il a commencé à faire des bâtons de glace. Donc, à l'heure qu'il est, René dirige une entreprise de bâtons de glace qui est très très riche et très prospère. Sauf que René, là, pour cette émission, il est dans un lit d'hôpital. Il a été foudroyé par un rhume foudroyant. Voilà. Tout le long. Tout à fait. Donc. Avec ce rhume, il va décider de qui va reprendre son entreprise après sa mort. Parce que le rhume a l'air très carabiné. Et les médecins sont pessimistes sur son cas. Donc qui veut faire René ? Bah, j'imagine que Antoine. Pas forcément. Ah non, il a déjà fait le vieux. J'ai déjà fait mon moment de gloire. Et je précise que René, c'est René ou René et eux. Donc Martine, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux mourir, si tu veux. Je vous laisse le choix. Non, Florent ? Comme tu veux, moi. Donc, René a une femme qui s'appelle Bertha. Et merci. Un fils qui s'appelle Kevin. 1m92, 93 kilos. Donc, Fares, tu es Bertha, du coup ? Oui ! Et j'ai besoin de quelqu'un qui va faire Kevin, son fils. Moi, je veux bien faire Kevin. Allez, hop. Et Antoine, je te demanderai après de faire Jackie Lafritte, yes. Qui est le plus proche ami et collaborateur de René. Bien sûr. D'accord, donc on retrouve René avec sa femme et son fils dans la chambre d'hôpital. Alors, le ton global de cette improvisation, c'est de jouer mal. C'est la seule directive, c'est vraiment de jouer mal, qu'on n'y croit pas. Comme dans les sitcoms, en fait. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je vois. Bon, on y croit dans les sitcoms. Oui, oui, genre, moi je trouve qu'il joue plus bien belle dans la ville d'être un peu. Mais là, je vais vous demander de jouer mal. Surjoué. Comme une parodie de ce. Est-ce que ce sera de l'impro? Oui. Bah, il n'y a pas de texte. Si tu donc fais, c'est forcément une impro. Si tu fais René, tu peux parler un peu comme ça. Tu vois? Mes sentiments ne sont pas trop. C'est pour ça que je n'ai pas voulu parler. L'accent québécois, je ne sais pas. Ah non, c'est pas l'accent. Enfin voilà. Moi, si vous, vous inquiétez pas, si vous jouez trop bien, ce qui est pas impossible, j'arrêterai pour vous dire de jouer plus mal. On sera le donc si Oscars, tu nous arrêtes pas, c'est qu'on est bien dans notre rôle. Oui, c'est oui, voilà, tout à fait. Vous inquiétez très mal. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Plus donc, on joue mal, moins on arrête. Voilà, c'est ça. Exactement. Tout à fait. C'est le bonheur. C'est le bonheur. On est dans la chambre d'hôpital de René avec sa femme et son fils, Bertha et Kevin. Amour, gloire et René sur Indestar. Ah, tes souhaits, mon chéri. Eh hey, papa, tu veux pas aller moins fort parce que là, tu m'en as mis plein de brins. C'est dégueulasse, ton truc. Ah ouais, mais... Oh, mais Kevin, arrête. Là, papa, il va vraiment pas bien. J'ai la poitrine. Ah ouais, mais j'ai comment ma nouvelle veste, quand même. Kevin, attention. Ton papa... Kevin, regarde-moi. Ton papa va peut-être ne plus être là demain. Oh, t'as raison, maman, il faut être plus gentil. Oui. J'avais oublié la troisième page des commandements que tu m'avais fait. Ah oui, ce que j'avais fait il y a trois semaines de ça. Oui. Ah, je me rappelle comme si c'était il y a trois semaines. C'est parfait. Que j'avais fait n'importe quoi pendant 15 jours. Oh, mon cher mari, tu es si pâle. Oui, et je t'aime si fort. Ah, mon papa. Alors René, je vais te demander d'annoncer à ta famille que tu vas leur céder 50% de l'entreprise. Et pour les 50% qui restent, ce sera le mystère. Le mystère. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Moi, j'aime bien les nouvelles. Je pense que là, le deuxième poumon tiendra pas. Le premier s'est barré, là. Maman, qu'est-ce que je dis dans ton cahier que tu m'as donné? Que là, pour maman, c'est un problème de suite de l'entreprise. Je vous demanderai de faire attention à cette grande fabrique de bâtons et je vous lègue 50% de cette société. Seulement 50%, chérie? Mais j'étais toujours là à tes côtés pendant si longtemps. Mais t'étais là que 50% du temps. À nous deux, à toi, à moi et Kevin. Ça fait 25-25, papa. Eh oui, non, les autres 50. On va peut-être modifier les pourcentages, Kevin. On va s'en parler. Ah, ça fait 30 pour moi et 20 pour maman. Oui, peut-être. Plus tard dans la journée, donc la femme et le fils sont partis, et c'est au tour de Jackie Lafritte, le plus proche collaborateur de René, de venir le voir dans sa chambre d'hôpital. Mais René va avouer à Jackie Lafritte qu'il hésite à lui céder sa part. Et Jackie Lafritte va réagir de manière exagérément mal à cette information, puisque c'est son plus proche collaborateur et ami. C'est reparti. Oh, mon René, mon René. Oh, Jackie. Mais que t'est-il arrivé? Comment nous sommes-nous arrivés là? Une maladie à la con. Je te vois étendu sur ce lit d'hôpital. Hey. Et je pleure à l'intérieur, oh, oui, je pleure. Faut pas, pense à la société. Mais René, la société sans toi, ça n'est plus... La société. Mais tu auras Bertha. Oui. Je te la file avec. Tu cèdes donc les droits de la société à ta femme. Ouais, mais je te donne aussi ma femme. Donc, la société est à moi si j'accepte ta femme. Non. Alors, 50% donc des parts reviennent à Bertha. Et René avoue que 50% des parts vont aller à son principal concurrent. Le fabricant de bâtons de glace d'en face de son entreprise, qui s'appelle Bobby la Chèvre. Bobby la Chèvre va être joué par Martin. Et viendra après, bien sûr. Donc René, tu vas annoncer ça à Jackie. et les 50% qui restent, mon René. Approche, Jackie, approche. Je suis là, tout près de toi, René. Je pense. Oui. Pour qu'il arrive mieux. Oui. Laissez une part à... Oui. À Bobby, en face, là-bas. Bobby. Oui. Bobby la chèvre. Oui, peut-être, mais il assure quand même. Mais tu n'es pas sérieux, René. Bobby la chèvre est le premier concurrent de ton entreprise. Eh ben justement, ça fera une grosse entreprise. Tu vas lui donner les clés, tu vas lui céder tout ce que tu as construit, tout ce que nous avons construit. Mais pas ma femme. Oh, vilaine trahison. Arrête, mon Jackie. Non, je ne peux accepter ça. Je ne peux, René. Je me vois dans l'obligation de te quitter. Sur ces entrefaits, Jackie Lafritte quitte donc René et se dirige d'un pas décidé vers l'entreprise concurrente. Jackie ! Il est bien décidé à faire entendre sa voix à Bobby la chèvre, son concurrent. Et un dialogue va se passer entre les deux. Bon, il va voir ce qu'il va voir. Bobby, descends ici si tu es un homme. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens me voir, toi? Bobby, mon père, il m'a tout laissé. Maintenant, c'est Bobby... la chèvre. Tu es le fils de Bobby. Tu es Bobby E. Je suis Bobby E, la fille de Bobby. D'accord. Alors, qu'est-ce Bobby que tu E, tu as circonvenu René, mon plus proche ami, pour qu'il te cède les parts et les droits de sa société? J'ai circon quoi? Tu as parlé avec René ces derniers temps. René. Dis des mots avec lui. Et Bobby la chèvre va avouer que dans sa jeunesse, René avait emprunté de l'argent à sa famille, car Bobby la chèvre est une famille de mafieux, et que en échange de cet argent, René avait promis de léguer 50% des parts à Bobby et à sa famille. De toute façon, René, il n'a pas le choix. Parce que nous, si tu nous embêtes, bim! Non! Une balle dans la tête! Celle de René? La tienne aussi. Oh, Seigneur! Mais comment en est-on arrivé là? Que puis-je faire pour racheter la dette de René et son honneur? Laver. Ça fait une rime. Oui, ça rime bien, c'est oui. Joli. Oui, merci. Mais Bobby, elle s'en fout de ta rime. Non. Bobby E, elle tire si on l'embête. Bobby E est donc un sensible rime. Je dois trouver une autre arme, un autre angle d'approche. Et Jackie Lafritte revient parler à René. Et il va essayer de lui extorquer le contrat pour essayer de trouver une faille dans les lignes, dans les petites lignes. René! Mon Dieu, il est en train de dépérir sous mes yeux. René, je suis au courant du contrat que tu as signé avec Bobby et Chèvre à l'insu de ta femme, de ton fils et de ta société. C'est rien, mon Jackie. 50% tout de même. Ben, c'est rien, c'est que la moitié. Bobby, René, pardon, excuse-moi, je suis confus. Où est ce contrat? Regarde, par là-bas peut-être. Là-bas. Il sera à côté de la commode, le deuxième tiroir. Le deuxième tiroir. Ah, le voilà. Mais, René. Oui. Ce contrat, oui. Ce n'est pas toi qui l'as signé. Si. C'est ta femme. Non. Pas le bleu. Ah non, ça c'est le divorce. Eh oui. Ah, c'est celui-là. Oui. René. Oui. Si je trouve le moyen de détruire le contrat en possession de Bobby E, ta société t'appartiendra en entier et tu seras libre d'en faire ce que tu veux. Mais... Ai-je ton accord? Maintenant que t'en parles. Vois ça avec Brenda, moi, j'ai plus qu'un poumon Oui, ça devient difficile de réfléchir à tout ça. Sur ces entrefaits, Jackie Lafritte décide d'aller explorer le contrat pendant toute la nuit. Il demande pour cela l'aide de Maître Renard, l'avocat spécialisé de René. Et il passe la nuit à décortiquer ce contrat. Alors, tu m'apportes quoi, là ? Maître Renard, vous êtes le meilleur avocat de la ville, du département même. Voici un contrat signé par René, qui l'engage auprès de Bobby, la chèvre, à céder 50% de son entreprise à sa mort. Je vais jeter un coup d'œil. Je vais voir ce que je puisse faire. Le voici. D'accord, c'était signé. Ah, regarde la page 9, de près, la dernière ligne. Oh, vous lisez super trouve. Vite. Mais, ah, c'est pour ta porte, je suis le meilleur avocat de toute la département. Oui, donc la page 9. Regarde la dernière ligne, elle dit scrupuleusement, si je peux lui dire, que le contrat sera nul, ne vaut rien à rien, si la signature est signée en bleu. Et la signature était bien en bleu. Oh. Ce qui veut dire que ce contrat-là n'a aucune valeur. Et le lendemain matin, René et Maître... Jackie Lafritte et Maître Renard vont voir Bobby dans son bureau pour lui faire part de cette découverte. Ils espèrent bien la mettre à bas. C'est reparti. Bobby, je sais que tu es là. Qu'est-ce que vous voulez, les garçons ? Jamais. On dérange pas Bobby IE comme ça. Oh, pardon. J'amène avec moi Maître Renard. Et qu'est-ce qu'il a, Maître Renard ? Maître. J'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que tu as vu le contrat ou pas ? Mais je te reconnais, toi. Oui, on était amants il y a 2 semaines. Ah oui, et tu m'as escroqué des choses. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Oui. C'est dans le passé, il faut oublier, c'était dans le passé. Le passé. Mais c'est qui ce Maître Renard que tu m'amènes là, hein? Maître Renard est avocat et il a décelé une faille dans votre contrat. Attention, on parle pas à Bobby comme ça. Maître? Je peux te montrer quelque chose. Que tu veux me montrer, toi? Tu me connais très bien. Je suis pas là juste pour te faire perdre de ton temps. En tout cas, là, pas ce soir. Je suis là. Je veux bien que tu regardes. Alors, Maître Renard, je t'ai demandé de revenir au fait et de montrer que la signature est invalide si elle est signée avec un stylo bleu. S'il te plaît, frère. C'est bien. J'ai quelque chose à te montrer, Bobby. Regarde, page 9. Page 9. Regarde, dernière ligne. Elle dit, si le contrat est signé à l'encre bleue, le contrat ne vaudrait rien. Oui, mais l'encre bleue, il a la signature, elle a été faite en bleu turquoise. Ça annule tes deux dernières phrases. Quand tout à coup, un froid se fait sentir dans le bureau et un personnage arrive, sûr de lui. Et ce personnage n'est autre que René qui vient s'immiscer, qui est guéri. René! Salut les mauviettes! Tu es sauf dans mes bras! Moi ça, mon Jackie! Moi, parfaitement! Te voilà avec nous, nous allons triompher! Bonjour René, moi c'est Bobby Salut Bobby! Tu vas bien? Ouais. Je vais mieux! Regarde, plus de tout, plus rien. La patate, dis donc. On a bien eu une bonne idée avec ce scénario. Ouais. René avoue que s'il s'était fait porter malade, parce qu'il n'était pas vraiment malade, c'était pour vérifier la loyauté de ses vrais amis. De quoi qu'est-ce ? Et de vérifier que Bobby était toujours à l'affût de son héritage. Bobby ? Eh, dis donc ! Ton petit tonton loupette, là ! Avec ce stylo bleu turquoise. Tu aimes le bleu turquoise? Bah bien sûr. C'est moi qui t'ai offert le stylo. Patate. Non, Bobby. Non, patate. Bobby. Non. La chef. Il y a un truc qui va se passer entre nous. Là. Moi, le Jackie, j'ai regardé. Il voulait bien ma société. Mais pas me la voler, lui. Bah bien sûr. Mais j'ai jamais parlé de la voler. Si tu veux, on s'associe quand tu veux. Bobby et René Ah, lâche-moi la main! Je suis pas là pour ça, moi. Tu fais ce que tu veux avec ton renard, Mais moi, j'ai bien vu. Renard, j'en ai marre. Jackie, ça, c'est le paradis. Merci beaucoup pour cette improvisation. Mon René. Mon petit Jackie. Mon René. Allons nous encolailler dans les buissons. Vous ferez ce que vous voulez pendant la pause. En parlant de ça, on va écouter La Savès de Los Angeles et à tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h et ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble. Est-ce que ça va toujours dans le studio? Oui, mon Clément. On est bien. On est chaud. Le Clément de Florent. On espère que vous allez toujours bien, que vous écoutez toujours J'ai vu de la lumière. Alors je suis entré, l'émission d'improvisation scénarisée. On rappelle que le podcast de l'émission sera disponible bien sûr sur le site d'Indestar, sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify et sur une vingtaine de plateformes de podcasts. Donc a priori vous n'avez aucune excuse pour dire que vous ne savez pas où ça sort. Vous pouvez bien sûr liker la page d'Indestar et tout ça. Pour l'heure du coup je vais demander à nos comédiens de lire une petite pièce de théâtre que j'ai écrite cet après-midi, où j'ai été très inspiré. Wow. Qui va servir pour l'improvisation. Il est trop balèze, Clément, il est trop balèze. Donc il y a trois personnages pour cette petite pièce. Alors la pièce s'appelle La noce insoluble de Georges Gondin Clapotier. Et du coup c'est toi. T'as ouais. pas osé mettre ton nom. C'est ton côté Clapotier qui t'a vendu. Donc on a trois personnages, le fils, le père et le curé. Alors qui veut faire le fils? Étant donné que je connais pas ce que ça veut dire, faire, curé, je vais faire le fils. Le père, en plus. Antoine, tiens. Ah ben d'accord. Et le curé, Florent, s'il te plaît. Je t'avais dit, je voulais pas. Donc juste une petite lecture comme ça. Papa, si t'écoutes, c'est lui qui a décidé, c'est ouais, pas moi. Tout à fait. Les comédiens viennent de découvrir le texte. Oui, le papa de Florent, si t'écoutes, c'est pas de sa faute. Pardon, papa de Florent. C'est parti. Bah, le curé d'abord. Ouais, c'est ce qui a marqué là. Donc, les trois personnages discutent dans la place du village. Le curé. Ok. Ainsi, mon fils, tu désires te marier? Oui, mon père! Oui, mon père! De quoi? Monsieur, c'est moi que votre fils s'adressait. Mais quoi? C'est vous son père? Ça veut dire que ma femme m'a trompé il y a 22 ans? Non, mon père! Mon père voulait dire juste que je suis son fils, mais c'est vous, mon père, et vous êtes aussi son fils, mon père! Oui, mon fils. Votre fils est aussi mon fils et je suis son père comme je suis votre père. Un silence. Papa? Bref, je désire me marier avec Gourdeline Manudal, la bergère du Valier et village voisin. Quoi? La fille de Bertrand Manudal? Cet imbécile qui me fait payer la location de son vieux tracteur 100 pièces le mois? Ça jamais, mon fils! Eh ben, je refuse de sortir de ma chambre, puisque c'est comme ça. Le fils sort en pleurant. Eh bien, mon fils n'est pas à prendre avec des pincettes. Et maintenant, l'acte 3, la scène finale, avec toujours le même personnage, le père, le fils et le curé. Tout est bien qui finit bien, mon père. En effet, mon fils se marie, et je pourrai désormais louer le tracteur du père Manudal 50 pièces le mois seulement. Cette union promet d'être joyeuse. Je prie pour voir apparaître quelques nouveaux-nés d'ici l'hiver prochain. Quelle émotion! Ce seront mes petits-fils! Et ce seront mes fils. Comment? Vous avez fauté avec Gourdeline Manudal, vous aussi? Voilà ce texte à la con que j'ai écrit juste tout à l'heure. Il va nous servir dans l'improvisation, bien sûr. Ça va être un support, on ne va pas faire la pièce en entier parce que ce serait beaucoup trop nul. Voilà. Donc on se retrouve juste après Las Aves, Los Angeles. Je me suis encore planté dans les chansons. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. 21h, 23h. Sur Indestar. Tout à fait, 21h, 23h. On est reparti pour une heure d'improvisation environ. Et on est reparti avec une improvisation, vous l'avez deviné, donc qui va s'appeler Au théâtre ce soir. Arrêtez. Hein? Non, rien. D'accord. Pardon. C'était juste... Voilà, pour souligner donc, ma surprise. Donc, dans cette improvisation, on va rencontrer une troupe de théâtre dont la metteuse en scène va être Martine. Parce que tu n'as pas eu de rôle... Très dur pour... Très dur pour... Oh oui, je sens. Donc, je vais te demander de faire une metteuse en scène psychorigide, très exigeante avec ses acteurs. Ah, ça va te changer. Ouais, tu vois, très formidable. Comme Clément quand il dirige son émission. Voilà, tout à fait, oui, comme moi. Le même genre. Parce que j'ai l'air sympa, mais dans la vie, je suis un connard. Oh, j'ai l'air sympa. Personne n'a démenti. Alors là, moi, ça m'a laissé sans voix. Joli, Antoine, joli. J'ai rien osé dire. Hein. Ah, mais on a fait. Ah merde, on s'en est pas aperçu encore. Alors, ensuite, j'ai donné des types d'acteurs, des espèces de clichés d'acteurs, un petit peu, on va rigoler avec ça. Il va y avoir un acteur qui a peu de texte et qui en fait des caisses pour être remarqué. Donc, ça va être le fils. Et Fares, on va garder Fares, yeah, très bien. Donc, tu vois le délire, t'as peu de texte, mais dès que t'as une réplique, t'en fais des caisses, quitte okay à être super chiant. Ok, ça va pas me changer, mais... Non, pas du tout. Bienvenue c'est à l'équipe vrai relou ce soir. On va voir un acteur qui est très occupé, qui n'a presque pas le temps, mais qui vient quand même à la pièce pour jouer un rôle, qui n'est jamais esquiffé. Ça va être qui veut faire ? Antoine ou Florent ? Comme tu veux. Eh ben, Florent, très bien. Allez, Florent, très bien. Autre chose à foutre, moi. Et on va avoir un acteur, Antoine, ça va être toi. C'est un acteur qui juste joue très mal. Ok. Qui est convaincu de jouer très bien, mais qui joue très mal. On joue chacun sur les points. Bonne ça équipe. Et donc, du coup, Martine, bien sûr, tu vas être la metteuse en scène. Donc, la première scène, la scène d'exposition, ça va être donc toi ça qui viens parler de cette pièce. Excuse-moi, oui, juste on continue avec les mêmes personnages ou... Ouais, on va continuer, ça va être plus simple, je pense. Ok. Ok, d'accord. Okay. Donc, cette pièce de Jean Grondin Clapotis, hein, bien sûr, la pièce n'a pas écrit. Un auteur très connu. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, j'étais. Alors, attends. Je vais te demander justement de faire ça dans l'improvisation. Tu vas présenter cette pièce à tes collègues acteurs et tu vas faire un petit résumé de la vie de l'auteur. Si tu te sens, voilà, tout ça. Est-ce que c'est bon pour toi ? Bien sûr. Et donc, bah, les acteurs, vous allez... Acteuriser ! Voilà, tout à fait. Bien sûr. Nous allons transformer le texte en émotion. Je sais pas, j'ai pas le temps. Donc, ça va être le premier contact des acteurs avec le texte. Voilà. Donc, il peut y avoir des petits commentaires, tout ça. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Eh bien, on y va au théâtre ce soir sur Indestar, c'est tout de suite. Bon, les garçons, il y en a trois. Et moi. Deux secondes, je finis ma phrase. Oui, c'est nous. Et il y en a que deux d'arrivés pour l'instant. Oh, parlons, excusez-moi, j'ai arrivé là. Oula, pardon, excusez-moi. Bon, alors, c'est bon, c'est on a compris. J'ai pas le temps, j'étais obligé de me dire un double fil. Les meilleurs. Bon, alors, on va faire vite parce qu'on a pas beaucoup de temps hein, pour les répètes. Dans 15 jours, c'est bon, tout est ficelé. Amplement suffisant pour des acteurs de notre trempe. Mais bien sûr, je le voyais bien comme ça. mais on s'est déjà vu, non ? Ah oui, tout à fait. Je suis là depuis au moins 8 heures. Non, t'es pas là depuis 8 heures, mais je crois qu'on a déjà fait des choses ensemble et c'était pas top top. Alors là, tu vas te rattraper. Ça ne veut pas être moi. Bon, alors on continue. Donc, la pièce, La noce insoluble. D'un auteur avec un nom insoluble de... On en a pour longtemps, là, parce que là, j'ai les gosses à la crèche. Oui, bah, tu vas aller chercher plus tard. Mais écoute, tu t'engages ou tu t'engages pas, hein, S'il veut pas s'engager, moi, je m'engage à deux fois. Taisez-vous êtes pire que des nanas, là. Alors, je disais, je n'en suis qu'au titre. La noce insoluble de Georges Gondin. Clapotis. Excellent auteur. Clapotis. On va vraiment faire une pièce de lui. Oui, il l'a écrit dans les années 50. Hein. Alors donc, on garde Clapotis. Le contexte, années 50, les objets, tout, la façon de parler. Hein, on évite les mots comme gogol ou des choses comme ça. Hein. On reste vraiment dans le verbe. Voilà. Hein. Mmh. Ouais, beaucoup de recherche. Maintenant, il veut des acteurs auteurs. Oui, mais ce qui serait bien, c'est d'y aller quand même là, parce que oui, moi, j'ai pas va. Le temps. Parce on y va. Vous avez lu vos textes ? Oui, bien sûr. Appris, relu. Voilà, appris, c'est le mot que j'attendais. Tu l'as pas appris pour l'instant, c'est la première, première fois que vous voyez le texte. Je l'ai découvert en troisième. Voilà, tout à fait. Dans mon manuel de c'est français. C'est parti. Voilà, donc, vous l'avez lu ou pas tous les trois ? C'est bon ? Non. On va voir là tout de suite, on va le lire. Mais je suis au top déjà, donc il faut que j'avance. D'accord. Un peu plus, hein. Franchement. D'accord, mais toi, t'es tout seul, il n'y a personne dans le groupe. Hein. Ah, bah écoute, faute de ça. On va commencer par les ordres d'apparition. Ouais, alors en fait, parce que là, on n'a pas le temps. Le curé, il dit ainsi, voici mon désir, le marié, ouais, le fils. Il dit oui, mon père, le père de quoi ? Le curé, c'est mon fils qui s'adressait, le père, Flo, quoi, quoi. Je t'arrête tout de suite. C'est une répétition à trois. Et oui, mais on fait à l'italienne, là. On est assis, puis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il faut qu'on se mette un petit peu dans le personnage, dans l'ambiance. Est-ce qu'on peut s'échauffer? T'es pas encore le metteur en scène, non? Non, non, d'accord. Ok, les gars. Ok. Mais je vais prendre des nanas la prochaine fois. Vous êtes sérieux, rigoureux. Ok. J'ai pas dit ça, j'ai dit. L'amusement n'empêche pas la rigueur. On te suit. Le rigueur, c'est mon deuxième prénom. Oh, je crois que t'en as d'autres aussi. Comment il en fait des caisses, l'autre? On reprend. Ça va. Je vous écoute, les garçons. Ouais. Ainsi, mon fils, tu désires te marier? Oui, mon père. Oh, putain. Oui, mon père. De quoi? Monsieur, c'est à moi, votre fils s'adresse. Plus lentement. Hein? Flo, écoute, là, t'abuses. Ouais. Oui, mais là... T'as une vie privée, mais là, pour l'instant, t'es dans la vie professionnelle. Ouais. Alors... Est-ce que j'étais bien quand j'ai dit oui, mon père? Je trouve que ça manquait un peu de... Enfin, on reprend tout à l'heure. On reprendra tout à l'heure. Okay. On écoute les autres. Okay. On s'écoute. Je rajouterai genre 30% de ténacité. Chut, je te laisse parler, Florent. Vas-y, on s'écoute. Enfin, moi, je vous écoute. Et confiance, Florent. Ouais, ouais. C'est à moi que votre fils s'adresse. Quoi? C'est vous son père? Cela veut dire que ma femme m'a trompé il y a 22 ans? Non, mon père! Mon père voulait dire que je suis son fils! Mais c'est vous, mon père! Et vous êtes aussi son fils, mon père! On va reprendre depuis le début. Alors, Flo, tu vas nettement moins vite. Ouais. Tu t'essayes de vivre... Tu trouvais que je disais père correctement? Attends, on commence. On dirait père, P-A-I-R-E. Non, mais c'est un rôle difficile. Non, mais s'il te plaît, dis-moi, il me faut un peu d'avis. Donne-moi de la construction. On en était à Florent. Alors, Florent, moins vite. D'accord, ok. Posé, parce que t'es quand même le curé, donc... Ouais, mais moi, j'ai autre chose à faire, parce que j'ai plein de trucs, j'ai plein de taf après aussi. Alors moi c'est sympa tes pièces, mais ouais, bon, non, enfin, bon si ça va que j'aime bien clapoter, on peut changer de rôle principal, hein. C'est toi qui as le rôle principal quand même. Donc, ah ouais, un curé c'est principal ça. Bah, écoute, Alors Florent, tu as devant toi une grande metteuse en scène quand même, donc tu vas la respecter un petit peu plus. Ok, ça marche. Histoire que l'impro avance. Ok, ça marche. C'est reparti. Donc, on va passer à Antoine. Oui, tout à fait. C'est pas assez péchu. C'est un rôle difficile. Ça manque un peu. Bon, c'est la première répète. Bon, non, je sens que le père, il y en a qui ont pas de talent. Je suis désolé. Ça serait bien qu'il y en ait qui écoutent la metteur en scène. C'est pas une question de talent, en fait. Merci, Flo. De rien. Un petit peu sérieux. On reprend. Oui, pour que ça aille vite. On s'écoute, on s'imprègne. Voilà. Je suis plein à l'écoute. Voilà. Oui, notre curé, là, je suis en plein dedans, là, c'est bon. Côtes. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? C'est parti, merci. On recommence. Ainsi, mon fils, tu désires te marier? Oui, mon père! Oui, mon père! De quoi? Avec un peu plus d'intérêt. Ah oui, pardon, attends, je la refais. Oui. De quoi? Monsieur, c'est à moi que votre fils s'adressait. Quoi? C'est vous son père. Cela veut dire que ma femme m'a trompé il y a 22 ans. Non, mon père! Mon père voulait dire que je suis son fils, mais c'est vous, mon père! Et vous êtes aussi son fils, mon père! Et là, il y a un silence, donc tout le monde se tait. Voilà, c'est une bonne idée. C'est tout le monde se tait. J'ai rajouté un peu d'accent, je trouvais que ça manquait un peu de variété. Crie moins fort parce que le spectateur t'entendait très très bien. On va mettre des micros d'ambiance. Ça va le faire. Alors, je vais faire une petite ellipse dans le temps et on va se retrouver le jour de la première. La pièce va être jouée devant un public le soir même et donc c'est la dernière répétition avant de passer sur scène. Donc tout le monde flippe. Ouais. Hein? Allez, c'est reparti. Non, mais calme-toi. Et on le fait comment? On le fait parce que là, moi j'ai les enfants dans la salle. Il faut commencer à faire les cons un peu. Et non, ils font les cons là dans le. Ça me fait mal. Et donc, il faudrait soucis. Que ça dure pas trop longtemps non plus parce qu'après, ils arrivent pas à se recadrer. Flo, il n'y a pas que toi. Mais ils arrivent pas à se cadrer. Alors, moi, je veux bien jouer parce que. La prochaine fois, tu dis à tes gosses qu'ils viennent pas, ça sera plus simple. Là, c'est la première. Vous devez être au taquet. Nickel. Mais au moins. Je joue ma vie. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? Je joue ma vie. Bon. Allez, petite respiration par le ventre. Il y a du monde quand même dans la salle. Une petite italienne. Allez, regardez les gars. Il y a les cinq enfants déjà, ils applaudissent. Je vous ai déjà dit de ne pas aller voir ce qui se passait derrière le rideau. Mais c'est trop putain. On y va. Dernière répète. Nez bouche. Voilà. Respiration par le ventre. Hé hey, la diva, on arrête, on commence. J'ai un tortillon dans l'estomac. Bon, allez, no stress. Florent. Dernière respiration. Florent, tu lances. Je suis là, les gars. J'attends. C'est parti. Oh non, ça se fait plus, là. Le grenadier, c'est fini. Allez. C'est la répétition, là. C'est la répétition. Oui. C'est la répète, on t'a dit. On n'est pas sur scène. Allez, vas-y, dernière répète. On y va. On y croit. Ainsi, mon fils, tu désires te marier. Oui, mon père. La deuxième. Lynn, Oui, mon père. C'est deux fois. Ok, d'accord. Oui, mon père. C'est bon. Ah, pardon. Pense à Antoine. Orgasmogène. Pardon, ma réplique. Attends, je retrouve l'esprit. Hein. De quoi? Monsieur, c'est à moi que votre fils s'adressait. Quoi? C'est vous son père? Cela veut dire que ma femme m'a trompé. Il y a... Ouais, attends. On reprend. Tu peux me relancer, Florent? Monsieur, c'est à moi que votre fils s'adressait. Quoi? C'est vous son père? Cela veut dire que ma femme m'a trompé il y a 22 ans. Et voilà. 15 jours de reprise avec moi, c'est au top. C'est mieux. Bravo Antoine. Non, mon vous père. Vous écoutez Antoine, vous verrez. Mon père voulait dire que je suis son fils, mais c'est vous, mon père. Et vous êtes aussi son fils, mon père. Farès, tu nous fais quoi là? Tu nous fais quoi juste avant la première? Je sais de variété. Tu veux me tuer? C'est dans la variation, je veux pas, c'est la pisse, je peux pas. Il faut que tu, je varie. Tu refais normalement. Mais les enfants viennent d'applaudir quand même. Ce qu'ils ont on s'en fout de tes mômes. On s'en fout de tes mômes. La prochaine fois, tu les amènes pas. Et je fais encore une ellipse. La première représentation s'est très bien passée. Et on retrouve toute l'équipe de cette pièce, de la Noce Insoluble, dans un talk show TV, dont je vais être l'animateur. Et ils vont pouvoir parler de leur travail et de ce que la metteuse en scène leur a fait subir et de plein d'autres choses. Et on accueille tout de suite l'équipe de la Noce Insoluble, incroyable, le succès à Paris, planétaire même. Bonjour à tous, installez-vous. Bonjour Clément, bonjour de nous recevoir. On est très heureux d'être là. Oui, tout à fait. Donc on sait que la première a eu lieu juste hier, alors après cette date stressante, comment vous sentez-vous? Ah ben... Bien, impeccable, complètement détendu. Bien, super. C'est un beau moment à vivre. Formidable. Magnifique. Alors je m'adresse à vous, Martine, la metteuse en scène, du coup, pourquoi le choix de cette pièce, la Noce Insoluble? Ben parce que ça parle de trois hommes, le père, le fils, le père. Ça m'est venu mais comme une évidence. Je voyais pas quelle autre pièce monter. C'était avec mes trois chéris. Maintenant, je peux le dire. Ah, c'est mignon. On a vécu des moments. On t'aime aussi. Je vous aime, les gars. Moi, Par contre, tu pourras aller un peu plus vite, Martine, s'il te plaît. Oui, monsieur Florent. Nos stress. On sait que vous êtes quelqu'un de très occupé dans la vie de tous les jours. Comment se sont passées les répétitions? Pressé. Ouais, un peu. Florent, c'est l'homme pressé. Martine a bien dirigé. Antoine a toujours été gentil. Et, c'est vrai. Il fait toujours les caisses. Ouais. Oui, Antoine. Mais quoi? Mais tu m'en as jamais parlé! C'est vrai, qu'on n'a pas vraiment le temps de te parler parce que t'es. Voilà. J'ai pas trop le temps de te parler non plus. Monsieur Antoine, on sait qu'on vous a récemment décerné un prix comme le plus mauvais acteur de tout le théâtre parisien. Absolument. Comment est-ce que vous avez réagi à ce prix-là? Eh bien, je n'y ai pas accordé la moindre importance, puisque je pense que ce prix reflète et symbolise un petit peu la jalousie de tous mes contemporains et de tous mes confrères et consoeurs à l'égard de mon jeu. Je n'ai rien compris personnellement. Je vous refais. Ça fait deux minutes que j'ai pas parlé. Il y a les Gérard dans le cinéma, nous on a les Antoine au théâtre. Non, mais c'est une question, comment dire, de jalousie vis-à-vis de ma supériorité innée et acquise par un un dur labeur, long travail. Eh ben d'accord, super. C'est bien, les acteurs sont parfois un peu mégalos, là beaucoup. Oh, mais c'est juste du réaliste. Je suis plus mégalo que lui. Hein. Et monsieur Fares, alors on sent chez vous une envie de réussir, voilà. Je pas juste une envie, j'ai la capacité à moi, les autres, si, ils étaient bien. Ils étaient là, mais ils étaient là pour porter un peu mon rôle vers la lumière où ça devrait être. Et accélérer un peu le pas aussi. Et oui, Martine, j'ai une annonce à faire, hein, parce que là, on va partir. J'ai gagné l'Oscar ! Pas tout à fait, mais bientôt. On part en tournée et je sais que Florent tient beaucoup aux tournées, il adore ça. J'adore. Et au mois de juillet. Ça me coûte une blinde en crèche. Et au mois de juillet, pas besoin de crèche, hein, tes enfants seront en colo, j'espère. Aussi, mais dans les colos, des fois, il y a des enfants qui. Oh. Nous sommes attendus à. À Avignon. Oh. Je ne voulais pas vous le dire, Shakespeare, mais. Oh, Avignon. Ouais. Bon, c'est un peu le Hollywood de c'est le Hollywood du théâtre. De notre département. Oui. Eh bien, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire aux spectateurs pour qu'ils aillent voir la pièce La Noce Insoluble ? Dépêchez-vous. Allez voir la pièce La Noce Insoluble à Avignon. Il y a moi qui joue, c'est déjà trop bien. Moi, j'ai juste envie de vous dire, on vous aime, venez, on vous attend. Je vous aime un peu plus qu'à. On jouera au café Le Petit Parisien. Parce que c'est pas loin de la crèche. 42 place Jean Jaurès. À Tours. Merci à vous. On rend l'antenne. À plus. Putain, la crèche. Merci beaucoup. La putain de crèche. Ça continue. La putain de crèche. Oui, les épisodes. 3 mois, ils sont toujours la putain de crèche. Ils font que ça, d'ailleurs. Et bah, j'espère que les nanas de la crèche, elles sont carrées. Parce que là, donc, juste un petit message à Fares. Quand tu rigoles, éloigne-toi du micro, s'il te plaît. Je suis désolé. Non, mais la crèche... Merci beaucoup pour cette improvisation. On écoute Anna Free avec une cover de Memories et on revient tout de suite après. A tout de suite, des bisous. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Jusqu'à 23h et même peut-être un peu plus vu qu'on a dépassé le cadre avec le petit problème technique du début. On est reparti, est-ce que ça va toujours dans le studio ? Oui, ça va. Toujours des étoiles. Avec toi, Clément, ça va toujours. Allez, bim, 40 points, parce qu'elle a fait un 30 points. À 100 fautes pour la faillotte. Pendant la pause, elle a encore failloté pour la troisième fois, et là c'est 4. Et toi, Florent, je te le dis maintenant, mais t'es dans le négatif, là, du coup. Voilà. Bah, c'est ça. Ah, c'est adorable. On repart donc avec une improvisation qui va parler de politique, vu que c'est un petit peu la période, comme les champignons, hein, c'est cyclique. Ça donne des mycoses. Non, alors... Peut-être on a une mycose, j'en ai eu déjà mycose entre les doigts de pied, oui, bien sûr, ça existe. Et pas qu'à. Intertrégo. Alors, donc, c'est la période des élections municipales. Et donc, du coup, on a notre candidat Michel Rincedoy, qui est candidat dans la ville de Juirolles en Josas, qui est une petite ville de campagne qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe pas, je crois, j'ai pas regardé en même temps, c'est pour ça existe. Et donc, Michel Rincedoy est un homme politique qui vit à Paris, qui a un train de vie très riche, et donc qui va avoir besoin de se reconnecter avec son électorat. C'est-à-dire qu'il va aller sur un marché pour parler aux commerçants, aux gens, pour faire de la communication, en fait. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je vous vois avec des mines... Oui, on est tous en train d'essayer de mémoriser le nom de la ville, en voilà. fait. Et c'est exactement ça, Antoine, bravo. Michel Rincedoy, la ville... Juirolles en Josas. Juirolles en Josas, oui, tout à fait. Et Antoine gagne 3 points faillot. Allez. Oh, putain. Challenge Martin. Alors là, mon gars... Ça tapote. Je monte à 2 sur l'échelle de Martin. Pourquoi vous êtes en train de vous réchauffer les mains tous les deux ? Au besoin, je vous redirai Juirolles en Josas. Parce que même moi j'ai du mal, j'ai ma feuille juste à côté sans ça. Sans ça, c'est mort. T'inquiète pas, on va s'en occuper. Donc, avec Michel Rincedoy, il va y avoir Jacques Ducrot, qui est son conseiller en communication. Aucun lien avec le mec qui fabrique des épices, hein, voilà. C'est juste s'appelle Jacques Ducrot. En train de me dire que je n'en veux pas du tout, en fait. Non, ouais. Représentant canin. Du pas de chien. Et donc, les deux autres personnages vont faire des personnages épisodiques qui vont revenir dans l'improvisation. Je vous dirai avant, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai besoin d'un Michel Rincedoy, ou d'une Michel Rincedoy, bien sûr. Ah, ouais. Michel et Michel. Ah, bravo, oui. Clément. Bah oui, je cherche des prénoms. Tout ça, ouais. Pas de poids, là. Bah, Amour, Gloire et René, c'est ça. J'essaye. N'écoute pas la chair. Bref, qui veut faire Michel Rincedoy ? Qui veut se lancer ? Ouais, je sais pas. Moi, si allez, Florent. Et qui veut faire Jacques Ducrot ou Jacqueline Ducrot, bien sûr, la conseillère ou conseiller en communication? Ah, moi, je veux bien. Ah, bah voilà, Martine. Bah, Jacqueline Ducrot, tu es la conseillère en communication. Michel. Donc, en gros, tu vas essayer d'aiguiller ton candidat sur ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait dire aux gens, ce qu'il devrait publier sur Instagram ou pas. Voilà. Ton but, c'est de le faire élire. Parce que s'il est élu, tu seras plus payé. Ah, ça, c'est intéressant. Et donc, messieurs Antoine et Farès, je vous ferai faire des rôles secondaires. J'espère qu'il y aura des vieux. Oh, Jean-Paul ! C'est pas incompatible, en effet. Donc, pour la première scène, Michel Rincedoit et Jacques Ducrot vont parler à un vendeur de fruits. Ils sont sur le marché, je rappelle. Le vendeur de fruits va être fait par Antoine. Et tu peux faire un vieux, Antoine, oui. Non, je le garde pour plus tard, le vieux. C'est l'avant-dernière, donc il n'y aura peut-être pas d'autre. Et c'est parti pour la politique, c'est quand on est poli et qu'on a des tics. Allez, les bonnes melons, les bonnes melons, les bonnes bananes, ils sont du terroir, ils coûtent pas cher, ils sont même bons. Et bonjour, monsieur du fruit. Eh, bonjour, Michel. Eh ouais. Mais, oh, mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans la région, con. Mais c'est normal. Comment ça va? Qu'est-ce que tu prends aujourd'hui? Monsieur, rince-toi, bah, monsieur, rince-toi, oui. Faut les serrer des mains. Oui, ben, j'arrête pas, mais pour l'instant, faut que j'aille tâter des melons. Avez-vous... bah, tiens, moi, je vous serre la main, si vous voulez, parce que vous jouez demain bien. Allez, je vous tape la bise, même. Alors, qu'est-ce qu'il prend aujourd'hui, quand... Eh ben, comme d'habitude, je vais prendre 5 melons, 2 mandarines, 4 pamplemousses, et bien sûr, vous me mettrez la petite cagette de brugnons. Ah, bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, vous voulez aussi des brugnons? Oui, je vous en donnerai la moitié. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Ah, monsieur Michel est toujours bien bon avec nous, les citoyennes de... J'ai oublié le nom de la ville, quand... Eh ben, justement, c'est super bien que vous me posiez la question, parce qu'en fait... Dans ma nouvelle communication, le but du jeu, ça sera de changer le nom de cette ville. Oh ben, c'est pas de refus, parce que j'avoue que moi, à chaque fois qu'on me le demande, ben, je suis obligé de chercher suivant Internet, et puis je sais même pas comment on appelle les habitants d'ici. Et vous, madame, peut-être que vous... Avez... C'est Juirol en Josas. Ah, merci, c'est Juirol, voilà, ben, je l'ai encore oublié. Juirol en Josas. Monsieur Rincedoit, il faut aller voir d'autres personnes. Regardez là-bas, il y a un monsieur tout seul. Oui, j'y vais. Bon. Merci pour la cagette, sourire, merci pour sourire, les melons. Sourire. Je file. Oui, par contre, ça fera quand même 14 euros. Michel s'en va sans payer parce que c'est un candidat aux élections, donc il se trouve au-dessus des choses. Yeah, et il va voir donc ce monsieur qui est assis sur un banc, qui va être joué par Farès et qui va faire un anarchiste, un personnage anarchiste. C'est reparti. Bonjour, mon petit, ça va? Ouais, bonjour. Tu veux quoi? Tu veux un brugnon? Non, pas vraiment. Et quoi qu'est-ce faire, qu'il ferait quoi faire. Monsieur Rincedoit, faut le recoiffer un petit peu. Pourquoi? Faut que je le touche? Mais non, votre coiffeur, coiffeur, laissez-vous coiffer, oui, quand j'arrive, même. J'arrive. Il y a la télé qui suit quand même. Et voilà, télé. L'appellerai sur le côté. Voilà. Tu fais vraiment trop de bruit. T'as l'impression quand même que tu fais un peu trop de bruit, non? C'est à moi qui parle? Ah, bah oui! Je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous manque ici dans la ville, mon petit gars? Un peu de chaos. Hein? Un peu de chaos. Hein? Un peu de chaos. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi qu'il parle comme ça? Le grand bazar, tout est ordonné, tout est trop carré. Il faut un truc pour... Monsieur Rincedoit, il faut aller voir quelqu'un d'autre très vite, parce que là, il y a la télé qui nous suit. Et il faut des gens positifs, positifs. Salut le jeune! À la prochaine! À ce moment-là, quand la télé est en train de filmer, la grand-mère de Michel Rincedoit arrive... Et ça fait longtemps qu'elle l'a pas vu, donc elle est très contente de le revoir. Elle va peut-être divulguer des secrets de jeunesse à l'antenne. Oh mon Michou! Oh mamie! Oh, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. Oui. Oh, alors, mais tu sens bon. Oh, ça c'est le parfum de Paris. Ça doit bien marcher avec les filles de là-haut, dis donc. Hein. Monsieur Rincedoit, dites à votre grand-mère pour qui elle va voter. Tu te rappelles? Regarde. Viens dans mes bras. Viens dans mes bras, mamie. Pour la photo. Regarde la caméra. C'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Coucou. La grand-mère de monsieur Rincedoit, souriez, madame. Oui, mais je souris, et tout le monde nous voit ici. Oui. Pour... Oh, mon Michou. Allez-y, monsieur, dis-moi, pour qui elle vote. Tu as plein de jolies femmes autour de toi. Ça me rappelle ta jeunesse avec Berthe. Non. Qu'est-ce qu'on a pu dire à la maison? Oui. Je me rappelle, quand tu la prenais dans la table, au milieu des vaches, et qu'on venait juste vous chasser avec les fourches, parce que mamie, tais-toi. Tu avais un renard. Mamie, tais-toi. Tu crois que j'ai gardé une photo? Attends, je vais la chercher. Oui. À plus tard. D'accord. J'ai un peu de boulot. Oui. Je te laisse. Je passe à la maison. Oui. Tout à l'heure. Je cherche la photo pour toi. Bisous. Monsieur Rince-toi, des tracts. Prenez les tracts. Donnez-en un petit peu quand même. Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui. Un brugnon. La main, c'est bien. Mangez des brugnons. Mangez des brugnons. À ce moment-là, juste devant Michel Rince-toi, arrive Jacques Doideg. Jacques Doideg, qui est l'opposant direct à la mairie de Jouy-Roland-Josas, qui va être joué par Antoine, par Fares, voilà. Et donc, c'est un gars d'ici, qui est simple et qui est très à l'aise avec les gens. Tu peux être maraîcher, n'importe quoi. Et donc, tu vas affronter Michel Rince-toi sur son terrain politique. Bonsoir Michel, t'as l'air de bien vivre. Ah, bonjour, vous êtes là. Ah, les fêtes, on les voit bien, hein. On a pris un peu de poids, non? Ça va, cher ami? Ouais, ça va, et toi? Alors, serrez-moi la main, regardez là. Allez, la caméra. Ah bah oui, caméra, bah oui. Les caméras. Regardez. Un vieil ami. Photo, pauvre tout petit, ici. Ah, j'aimerais bien te serrer. Ah, allez, vas-y. Ah, moi aussi, mais là, reste loin quand même. Avec la caméra, après, on voit plus. Avec ton haleine, ça risque pas. T'inquiète pas. Jamais. Allez. Tu voulais quelque chose? Ah, non, rien. Ouais, t'inquiète pas. C'est juste comme bien. Ça, pour la photo. Mais bien sûr. À ce moment-là, Antoine, donc du coup, tu vas jouer un père de famille qui va se plaindre de la fermeture de la crèche. Et tu vas demander ce que les candidats font pour empêcher ça. Vous avez... C'est reparti. Oui, excusez-moi, monsieur. Oui, bonjour. Oui, monsieur, vous avez un joli costume. Oui, vous aussi. Voilà, je suis monsieur Martineau. Je voudrais vous parler un petit peu d'un gros problème. Il y a la télé. Oui, il y a la télé. Oui, parle-nous. Vous êtes là, vous aussi. Ah, bah, tous les deux, très bien. Alors, voilà. Moi, j'ai mes enfants. Oui. J'ai 14 enfants, hein, petite famille. Mais il faut quand même que je puisse travailler de temps en temps. Et donc, tout pour à ça, fait. Oui, je peux le pas travail est très important. Et donc, il faut que je les mette à la crèche. Sauf que la crèche va fermer. Et ça, on n'en peut plus. On n'en peut plus. J'ai dernièrement toutes les familles. C'est la faute des politiques de mon adversaire. C'est la faute de... C'est à cause de ça que les crèches ferment. C'est ces politiques qu'il a. Votre dossier sur la crèche, la construction de la crèche, je l'ai là. Prenez. Je comprends bien. Ton dossier. Ah, regardez, Daya, on me tend un dossier. Regardez, monsieur, ici, on a tout de suite pensé, parce qu'on a un ami qui est très pressé et qui paye énormément en crèche. Et regardez ce dossier. Je vais, en même temps que de refaire les panneaux, parce que ça coûte un peu cher, le nom de la ville est très grand, faire un établissement pour pouvoir mettre juste en bas, là, regardez, là, sur la photo, une crèche, mais suivie d'une EHPAD. D'accord, mais ça résout pas le problème. Tu donnes des chiffres, problème, Michel, donne des chiffres. T'es en train de te faire bouffer par l'autre, là. Ouais, la taille du truc. Donne des chiffres. Et la date. Monsieur, écoutez-moi. Moi, je suis vraiment... J'étais né dans cette ville. Je vois comment est structurée. Ah oui, je l'ai tout à fait. La problème sous-jacente, mon adversaire, ne peut pas le remédier. Il va falloir qu'on la maintienne ouverte. Cette crèche. Ah bah, on peut pas juste ouvrir des bâtiments de partout. Oui, mais on ne peut pas offrir aux enfants un tel ramassis de placoplâtre qui tombe sur eux. Ah bah, il faut que ça soit en bon état quand même. Ouais, Jacques, oui, il faut que tu fasses payer tout le monde, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Sans monnaie, on peut rien faire, c'est ça. Tout à fait. Ah, t'as toujours été un petit capitaliste. Hein. Tout à fait. Alors par contre, sur les impôts, on douille quand même déjà sévèrement. Hein, non, déjà, on a enlevé les impôts sur l'habitation. Nous allons remettre la dîme. Chose classique hein, dans ce qui est... Comment ? La dîme ? Dans mon papier, oui, regardez bien, regarde. C'est quoi ça ? Je sais pas, c'est l'autre en douille là. Quoi, qui m'a donné ce papier ça, de je peux merde pas dire, là je sais... Oui, le voilà, voilà, Jacques toujours avec des politiques que personne ne comprend, même pas lui. Regardez, il sait pas ce qu'il est. Tout à fait, regardez mon projet. Il est clair, il est net, il y a un beau bâtiment. Avec la crèche, nous trouverons les moyens de financer cela petit à petit... si je suis élu. Monsieur Rince-Page, je vous rappelle que vous êtes au conseil général dans 2 heures. Il peut pas. Vous avez un timing très serré. Je crois que vous êtes obligé de laisser ces deux messieurs. On peut discuter avec le candidat parce que moi, le temps que votre crèche soit construite, j'ai bien peur que mes enfants soient déjà en âge de plus aller à la crèche. Et donc, vous préférez que votre enfant soit dans un bâtiment complètement insalubre avec du placo qui tombe en écoutant l'hôte doigt dégueu? Non, mais je préfère que mes enfants soient dans un beau bâtiment, bien ordonné, mais l'année prochaine. Et est-ce que vous seriez prêt à faire Nous allons tout mettre en pouvoir pour que les travaux aillent de plus en plus vite. Ah ben là voilà. Monsieur Rince-Doigt, parlez de vos à autres projets. Fois, de vos mon autres adversaire Rince-Doigt, il a que des promesses. Par derrière, pas d'exécution, y a rien. C'est juste des promesses vides. Regardez ce marché. Et vous faites quoi? Il fonctionne bien. Oui, tu l'avais promis il y a 3 ans. Sans transition, on apprend que dans la mairie de Juirol en Josas, les candidats Michel Rince-Doigt et Jacques Doigdeg ont été battus à plate couture par un père de famille qui souhaitait rétablir la crèche. On revient avec la météo. Merci beaucoup pour cette improvisation. On n'avait plus de temps en fait. Non, il n'y avait plus trop de temps, ouais. Ah, voilà. Si on veut faire tout ce qu'on... Alors vous étiez passionné, hein, on aurait pu continuer. Avant de passer à la dernière improvisation de ce soir déjà. Oh. Eh oui. On écoute les Beatles versus Shaggy. Let it be me. A tout de suite sur Indestar. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Tout à fait, jusqu'à 23h, enfin un peu plus du coup, parce qu'avec le problème technique, on retarde, et ben c'est pas grave, les gens sont là jusqu'à 2h, ils m'ont dit qu'ils étaient ok jusqu'à 2h, donc et formidable. Oui. Et si je peux me permettre, il y a une tentative de gain de points de la part d'Antoine auprès de Martine pour failloter. Et ça, c'est pas bien, bon. C'est pas bien. Et on a changé les règles du jeu, on n'a plus le droit de gagner des points pendant les pauses. Voilà, ça s'appelle tricher. Ça s'appelle voilà mon Antoine. La concurrence. Tricheuse. Quand tu changes les règles à chaque fois, c'est pas de la triche. Non, mais les règles ont été établies depuis le début par moi, mais je vous l'ai pas dit. Ah, c'est encore un texte à trous qui veut. Tout à C'est ça. Donc, on repart avec une dernière improvisation, du coup, qui va se passer dans une agence de pub où il va y avoir 3 publicitaires, donc 3 personnes en charge de créer des pubs, bien sûr, et une personne qui va faire des rôles secondaires. Alors, les publicitaires vont devoir créer une publicité pour un détartreur de grille-pain. Détartreur de grille-pain. Ouais, ça s'appelle le turbo-nouille. Turbo-nouille, le détartreur de grille-pain. On garde le nom. Oui. D'accord. C'est la volonté du client. Ça, c'est tout à fait. On garde le client. En plus, c'est un bonus. Turbo-nouille. Il n'a pas pensé à le dire, Antoine. Faillot, point Faillot. Fallait le dire. Bravo, Martine, 2 points Faillot. Voilà. Oh. Alors en même temps, si c'est un client qui écrit des pièces de théâtre, il doit être trop doué, quoi. Ah ouais. Bon. Arrêtez d'essayer de m'amadouer. On va acheter un compteur à faillotage. Ouais. Donc, les 3 publicitaires, on va dire que ça va être Martine Fares et Florent, tiens. Ça sert à rien de failloter. Voilà. Ça s'apprend. Et toi, Antoine, tu vas faire les rôles secondaires. Ça roule. Tous les rôles secondaires. Donc, au début, on a donc le patron. Tu vas être le patron au début, Antoine. Et tu vas annoncer la nouvelle aux autres. Donc, à savoir Turbo-nouille, que vous avez un contrat avec Turbo-nouille et qu'il faut créer une publicité pour un détartreur de grille-pain. Et on va avoir la réaction. Arrête, Fares. On va avoir la réaction des publicitaires qui vont pas être emballés de travailler sur ce projet. Alors, est-ce que vous voulez que je vous donne des petits personnages de publicitaires ou... Je vais faire la Mad Men un peu. Mad Men, ouais. C'est pas mal. Tu peux faire la Mad Woman. Hey. Hey. Est-ce que vous voulez des personnages ou pas? Moi, je me sens bien de vous laisser comme ça. Ouais, on va regarder. Mmh. Ouais. Oui, ça va se faire. Ok, très bien. On y va pour Turbo-nouille, le détartreur de grille-pain, tout de suite sur Indestar. Non, Ok, les petits gars, allez, on se met autour de la table, on s'assoit tout de suite parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end et s'est bien reposé. Ouais, ouais, impec, tout va bien. Aujourd'hui, pour vous trois, j'ai une commande bien particulière. Ouais. Chacun de vous a un grille-pain. Chacun de vous a un grille-pain qui est souvent en tartré et du coup. Tout le temps. Ouais, c'est chiant, hein. Voilà, je vous propose un client qui propose un détartreur de grille-pain qui va s'appeler. Le turbo-nouille. Oh là, ça va nous casser les... Est-ce que le nom est attaché toujours? Le nom est attaché, le client est rattaché. Vous avez la semaine pour nous prévoir une petite campagne. Tu peux redire le nom, s'il te plaît? Le turbo-nouille. Allez, j'ai confiance en votre créativité, les gars. Vous êtes un peu les meilleurs de la boîte. Attention, par contre, l'info doit pas filtrer. Le client tient à sa discrétion. Allez, la bise. Au boulot. Ok, les gars, on va balancer des idées. Ok. Turbo nouille, ça t'inspire quoi? Vas-y. Ça détartrouille? Ça détartrouille, ouais. Turbo nouille, ça détartrouille. Ça manque un peu de punch là. Turbo nouille, c'est pas le truc qui va nous casser les. Voilà. Il faut que c'est un truc pas punchy quoi. Il faut que ça claque. Ça commence à être bien, on commence à le sentir là, mais. Vas-y, dis-le, va jusqu'au bout de ce que... Turbo nouille. Ouais, si on dit turbo nouille, tu nous casses les couilles, c'est attendu, quoi. Il y a pas sous-entendu, quand même. Ça y est, j'ai un truc. Alors. Turbo nouille, parce que le calcaire, tu nous casses les couilles. Non. Si. Attends, ça, c'est pas ce travail. Aussi, l'idée, c'est peut-être... de laisser le calcaire de côté. Et, ou alors, il y en a une pour les enfants. Pour les enfants, là. Vous voyez, un grille-pain pour les enfants. Il arrive, tout ça, et puis il est là. Un grille-enfant. Tu vois, regardez là. Oh là là, le grille-pain, il marche pas encore. Ah, mais heureusement, j'ai le turbo-nouille. Et pour enlever toutes les fripouilles. Antoine, je vais te demander de revenir dans le bureau et d'imposer à tes employés. Qu'il faut que la ville de Perpignan soit mentionnée dans la publicité et qu'il faut qu'il y ait un témoin, donc quelqu'un à qui on demande l'efficacité du produit, qui s'appelle Marie-Gilaine. C'est reparti. Ok, les petits gars. J'espère que vous avez bien bossé sur le dossier. C'est clair. Mais en attendant, mais tout ce que vous avez fait, pour l'instant, vous le laissez de côté parce que j'ai d'autres exigences de la part du client. C'est de bonnes idées. C'est des idées que j'ai eues avec le client. Alors, écoutez, notre client, il vient de Perpignan. Il faut que la ville de Perpignan soit mentionnée pour qu'on fasse le lien avec le client, tout ça. Avec le turbo-nouille? Ouais, absolument. Turbo-nouille Perpignan. Toujours attaché à mon nom? Absolument. Écoutez bien, parce que la deuxième condition aussi est sine qua non. Il faut que la femme du client soit interviewée dans la publicité. Interviewée, genre. C'est témoin, sa vraie femme. Voilà, oui. Ça ne peut pas faire. Non, c'est pas en doublage. Sa vraie femme. Elle a un nom, celle-là. Elle a un nom, absolument. Attendez, c'est sur mon petit papier. Marie-Gilaine. Voilà, donc vous le faites. Marie-Gilaine, avec ton turbo-nouille, tu nous. Voilà, faites bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Voici votre turbo-nouille, machin truc. Voilà, je vais s'inventer. N'oublie pas, Perpignan, Marie-Gilaine, turbo-nouille. C'est parti, les petits zouzous. Eh la vache! Il est gentil, là, il est gentil, garçon. T'as quelque chose, toi, Joel Badman, là? Qui fait l'interview déjà? Ce qu'on va faire, c'est très simple. Qui se colle à l'interview, parce que moi, gentil. Oh, pas moi, déjà, rien que le prénom. J'en ai marre de me coltiner toutes les. Je dirais pas. Ce sera les trois qui iront défendre le produit. Et voilà. Ça y est, c'est gentil, quoi. Ah la joie! Ouais, youpi. Chacun une question? Eh ben écoutez, Marie-Gilaine, est-ce que je peux vous tutoyer? Est-ce qu'elle peut apparaître sans queue? On lui pose des questions. À quoi? Elle peut être figurante derrière. C'est elle qui nettoie, c'est elle qui utilise l'objet. C'est elle qui prend le turbo-nouille. Voilà. Le turbo ou turbo, je sais pas, moi j'arrive pas plus. Moi je crois que... Petite ellipse. Donc le temps de préparation est écoulé. Les créateurs de pub ont créé une pub et vont aller la défendre devant le client. La défendre devant le client qui va être Antoine. Antoine, tu es donc Monsieur Turbo-nouille. Ça marche. Formidable, le vieux chat. Il est là. Jean-Paul. Jean-Paul Turbo-nouille, c'est moi. Donc, on va avoir l'entretien entre le client et les publicitaires. C'est reparti. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Je suis Jean-Paul Turbo-nouille. On m'a dit que c'est vous qui vous occupiez de la publicité pour mon produit. Alors, est-ce que vous pourriez me montrer ce que vous avez préparé? Nickel. Vous voulez voir le jingle déjà ? Ah bah ouais. Quand ça fripouille, c'est Terrebonneuil. Il faut utiliser Terrebonneuil. Sympa, ça passe bien. C'est plutôt court, ça peut bien passer à la télévision. Votre femme, elle a aimé hein, quand on l'a vu à Perpignan. Et puis on a enlevé quelques rimes et ça passe mieux. Ah ouais, ouais, j'imagine, ce genre de rimes. Ok, est-ce que vous avez une vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est le produit ? Parce que, objectivement, si on se base que sur l'audio, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Eh bien, effectivement. On a fait un petit film, là, regarde, là, Tip Top avec Marie-Gilaine. Ah, par contre, c'est bête, j'ai pas mes lunettes. Vous pourriez me faire une description audio ? Oui, pas de souci. Alors là, tout de suite, on l'enfant rentre dans la pièce. Ouais. On voit qu'il a une grippe. Son grippin a l'air un peu dégueulasse. Tout noir, il fume un peu. Il fume. Ah, je vois la fumée, oui. Ouais. Et sa mère, Marie-Gilaine, elle est assise juste à côté de lui. Ah, c'est ma Marie. Oui. Toute jolie dans sa belle, plus belle robe blanche. Alors, le truc, c'est qu'on a été obligé de lui mettre une perruque. Parce qu'à force d'essayer le turbonouille avec le grippin, ses cheveux ont un peu cramé. Donc, on a été un peu vers la perruque noire. Le produit est un peu toxique. Ah, mais je m'en étais même pas aperçu, dites donc. Oh, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à Perpignan, vendre, ils ont une belle décharge. Et on a mis quelques caisses du produit parce que, comme dit. Mais ça reste entre nous, hein, c'est toxique. On n'en parle à personne. Non, bien sûr que toute belle décharge restera entre nous. L'important, c'est que la publicité fonctionne. Tout à fait. Turbonouille. Donc là, regardez. L'enfant se présente devant le grille-pain. Il met sa petite biscotte. Et là. Plus rien. Donc là, tout de suite demain, arrive. Tu veux dire oh, c'est pas ce qu'on avait prévu. Hein. Ah bah si. Ah non, c'est plus de biscottes. Les gars, il faut se concentrer, il faut lui donner l'impression que tout va bien. Ah, et là, regardez. Alors vous pouvez pas. Vous apercevez là, vous apercevez. L'enfant pleure, je suis triste. Voilà. Pour elle, et là, d'un seul coup, jingle. Ça arrive, jingle. C'est Turbonouille. Ah, la joie est mignonne. Voilà, et là, l'enfant, il prend votre Turbonouille dans les mains. Sourire. Comme ça, comme s'il avait une baguette magique. Et d'un seul coup, il répond... Turbonouille. Turbonouille. Avec toi, c'est mieux que les nouilles. Génial. Fini les fenouilles. Ok, ça marche, j'achète. Yes, les mecs. Yeah. Oh, on a eu chaud sur ce coup-là, là. Encore une pub foirée. Mais rien vu du tout. Merci beaucoup à vous pour cette improvisation. Voilà, s'il y a des publicitaires qui nous écoutent, prenez-en de la graine. C'est on est là. Qu'on vend une pub. Confiance, on est là. Avec ou sans nouilles. Avant de passer au petit débriefing de fin, on écoute Julien Loco avec sa chanson J'attends demain. A tout de suite sur Indestar. Turbonouille. J'ai vu de la lumière. C'est jusqu'à 23h sur Indestar. Non, pas du tout. C'est jusqu'à 23h17, comme on le voit sur l'horloge. On a dépassé, mais c'est pas grave. Turbonouille, ouais. Peut-être que je lancerai le produit vraiment. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi pour l'invitation. Merci, très chouette. Clément. Pas de soucis. Clément, c'est toi qui dis ça, pareil. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que c'est un bon moment ou pas ? Vous avez le droit de le dire, bien sûr. Ouais, c'est un bon moment. Très bon moment. Bah, cool. Chouette. Et bien rythmé grâce à notre chef. Et Florent reprend 12 points Fayot. Ah, ça s'est vu. Putain, je pensais que ça allait passer nickel. À la subtilité, là, elle a passé la porte. Vache, hein, la vache. Les points de la fin, là. Ah, ouais, c'est ça, t'as elle nous a grillé sur la dernière ligne droite. Ouais, vous savez qui a la chance de rentrer en voiture avec Clément ? Et voilà. C'est pas toi, Antoine. Bah si, tu vas pas m'abandonner, là. Bah si. J'ai dit que je t'emmenais, pas que je te ramenais. Oh merde. Et voilà. Non, juste blague à part, vous savez vraiment que vous gagnez rien avec les points Fayot. Pourquoi ? Ah bon ? Bah, on a fait un petit concours, mais il n'y avait rien à gagner en fait. Hein. Oh la vache, ouais, l'arnaque. Tout à perdre, mais rien à gagner. Moi je pense qu'on a au moins gagné le respect des autres. C'est déjà ça. On a au moins gagné l'occasion de se connaître. En plus, c'est déjà ça. Et c'était un beau moment. Tout à fait. Et de connaître Jean-Paul ? Oui, Auguste. Oh là là. Ah oui, on a découvert un nouveau produit, ça c'est top. Si on fait un petit récapitulatif des improvisations, ça donne, on avait la radio Santé, avec ce petit enfant qui voulait tuer tout le monde. Oh, l'animal, Un an et demi, hein, les enfants, c'est plus que c'était. C'est des jeux vidéo, ça. L'espace et Antoine avec sa voix de vieux, puis 2000 pattes. Et le savon bleu. Incroyable, le savon bleu. Je sais même plus comment j'ai fait. Les pattes. On a eu Amour, Gloire et René avec ce contrat frauduleux, incroyable. Putain, Bobby. Et oui, et ce vil René, hein, Florent, qui n'était pas mort au final. Le rhume foudroyant n'était que de la poudre aux yeux. C'était un grand homme. Merci, Yagi. Au théâtre ce soir, avec Fares qui voulait à tout prix apparaître et Martine qui essayait tant bien que mal de dresser les acteurs pour jouer bien. Ah, très bons acteurs. Mais vite quand même un peu. Hein, faut pas perdre. J'ai eu un peu de mal, hein, je dois dire. Oh, ah, non, pourtant, on était excellent. On a eu la politique, bien sûr, avec Michel Reinsdois et... La politique. Et Monsieur Doidègue, qui ont perdu face au père de famille, qui avait 16 enfants. Ouais, bah 14 non. Mais quel talent. 14 enfants, 14. Pardon. 14 oh enfants, quand même, hein. Bon, bah, du coup, on a eu la crèche... Gratuite. À partir du 10e. Absolument. On a même fait construire une deuxième. Sur les projets de Michel. Absolument. Et l'agence de pub, bien sûr, avec Turbo Nouille, qu'on ne présente plus. Turbo Nouille. Voilà. Et oui. On a pensé à le sortir vraiment, ce Turbo Nouille. Hein. Ah, c'est vrai, le jingle, au lieu de... On aurait pu dire... Turbo Nouille. Ben voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Ben merci à toi pour cette bonne soirée. Avec merci. Moi. C'était une très bonne émission, très très chouette. C'était votre première fois à Fares, Florent et Martine. Oui. Ouais. Donc bon retour, tout ça. Merci à toi aussi. Oh bah, pas de souci, Antoine. Toi, c'était ta deuxième. Oui. Est-ce que tu as pensé que c'était mieux ou moins bien que avant? Ah bah c'était différent puisque c'était pas avec les mêmes personnes. Ah oui. Donc je dirais pas si c'était mieux ou moins bien. C'est pas faillotage. Un petit peu. Je sens faillotage arriver. Et il gagne des points pour rentrer. J'ai bien un avis perso, mais je vais le garder pour moi. Voilà. Sinon tu sais que tu rentres à pied. Vas-y, partage. Mais sinon c'est toujours un plaisir de venir. Enfin toujours, c'est la deuxième fois, mais voilà. Allez, 10 points. On va rendre. Eh ben, ça a été un plaisir de faire cette émission avec vous. On espère que vous l'avez beaucoup aimé en tant que spectateur et en tant que comédien aussi. Oui. L'émission est disponible en podcast sur le site d'Indestar ainsi que sur iTunes, Spotify, Deezer et 20 autres plateformes de podcast. Vous pouvez suivre la page de la radio sur Facebook. Et en attendant, on vous dit à la semaine prochaine dans J'ai vu de la lumière, alors je suis entré. Merci les écouteurs. Merci les écouteurs. Ah non, on aime trop les écouteurs. Non. À bientôt les écouteurs. À bientôt, on vous fait des bisous. Turbonouille. Ciao, ciao. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.